Bonjour. Je vais faire un petit direct court pour ce soir. Comme ça va permettre d'espacer un petit peu les vidéos sur la chaîne. Puis comme ça, bon, ça fait une nouvelle vidéo. Puis ça va permettre de créer de l'espace. Puis on va pouvoir passer à d'autres choses. Passer à autre chose. Donc, bon, en ce moment, il n'y a personne. Ouais, il est un petit peu tard, hein? C'est rare à cette heure-là que je fais un live. Bonjour Sabrina. Donc oui, je vais faire un petit live pas long. Puis comme je vous dis, ça va faire de l'espace sur la chaîne. Ça va un petit peu. Ça va faire de l'espace. Ça va faire du nouveau. Bonsoir Lindus. Soulji, salut, bonjour. Marie-Antoinette, bonsoir. Julie, bonjour, allô. Marjorie Côté, surtout des dames. Donc, bon, c'est sûr, comme ça va faire un petit peu d'espace, puis ça va faire une vidéo de plus sur la chaîne, puis comme ça, bon, ben, ça espace. Bonsoir, Marjorie. C'est aussi bien comme ça. Hein? Donc, toute une journée. toute une journée. Eh oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? On est tous dans le même pétrin, puis on se bat. On se bat dans le pétrin. Eh bien, putain, ouais. Bonsoir, Eric. Donc, c'est ça, je me suis dit, je vais faire un petit live court. Puis, bon, c'est ça, ça va se passer un petit peu sur la chaîne. Ça va faire un petit peu de. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait des choses spéciales? Quel pétrin? Ben, celui de tout le monde. Vous trouvez pas qu'on est dans le pétrin un petit peu? Hein? Vous trouvez pas qu'on vit une certaine époque de décadence? On serait censé se pôler, puis c'est rare hein, que je mange. On serait censé s'épauler, puis non. Espacer, ben, c'est parce que je veux mettre un petit peu derrière moi les deux vidéos d'aujourd'hui. Parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je ne veux pas non plus que ça attire trop l'attention. Je ne veux pas me ramasser avec des royalistes de Fabrice qui seront tous choqués après moi, là. Le retour au Moyen-Âge, ben, vous savez, souvent on va décrire le Moyen-Âge comme une période de ténèbres, mais c'était pas comme on nous le décrit, là. Puis souvent, bon, les gens pensent que c'est au Moyen-Âge, là, qu'il y avait des autodafés, des choses comme ça. C'est plus arrivé, à la Renaissance, 15e, 16e siècle. Damage control, non. Ben, j'ai pas envie d'avoir du monde enragé. J'ai pas envie de me ramasser avec une clique là, qui vient tout se choquer en même temps. Fait que j'espace les. La décadence idéale pour exercer et affirmer son individualité. Ben, vous savez. L'individualité au sens de l'individualisme, là, bon. Je pense que c'est suffisamment exercé, là. Ce serait le fun de redécouvrir l'empathie, puis bon. Moi, je dirais que c'est une décadence idéale pour peut-être justement pas sombrer dans l'individualisme total, égocentrique. On n'a vraiment pas besoin de ça. Là, la compassion, ben oui. C'est censé être automatique, ça. C'est pas censé être le résultat d'un processus de réflexion. Bon, là, tout se détruit, donc tout est ouvert. Moi, ben bon. Moi, si vous voulez. Égocentré n'est pas égoïsme, je le sais. Mais Moi, je dirais plus centré, là. Mais c'est parce que l'individualisme à toutes les sauces, on en a. C'est pour ça, c'est pour pas qu'il y ait de confusion. Bon, c'est pas nécessairement de l'égoïsme, mais ça, c'est être centré. Mais être égocentrique, il y en a. Désolé. J'ai reçu du tamarin aujourd'hui. Donc, bon. Mais il reste que. Je sais pas, là. Bonsoir, Mimi. Donc, bon. Il y a David qui m'avait parlé de faire un entretien. Je lui ai dit, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Ben, surtout, bon, c'est un challenge au quotidien de ne pas se faire polariser par les événements. Ouais. La puissance d'agir, c'est s'individualiser. Ça dépend, là. Ça dépend ce que vous voulez dire par ça. Mais bon, la puissance d'agir, c'est un individu qui agit, puis bon. Moi, je parlerais plus s'individuer que s'individualiser. Dans le sens, ben, développer un caractère qui nous est propre, puis bon, être un petit peu moins influençable, là. Même des fois, bon, en tout cas, je fais attention à ce que je dis. Individuer, oui. Moi, c'est pas tout à fait pareil, hein. Donc oui, ben oui, vous avez vu ça aujourd'hui. Ça m'a fait un petit peu de peine. Ça m'a fait un petit peu de peine. Surtout quand c'est quelqu'un que tu as une certaine estime. Puis que t'aimes bien. Lol, bon. Au moins, ça vous fait rire. Je m'excuse, là, je fais pas ça d'habitude, là. Ah bon, donc, ben oui, bienveillance dans sa fermeté. Moi, ben moi, j'essaie de. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Au pire, vous regarderez ça. J'ai fait deux vidéos aujourd'hui. Puis je pense, bon, il y a peut-être un petit malentendu, là. Notre challenge quotidien est aussi d'être tellement déconnecté des événements qu'on se retrouve dans un vide jusqu'à temps que la prochaine direction se présente. Ouais. Ben oui, j'ai rien à redire. Mais le soir, hein, je suis pas pareil, hein. Je me suis levé à 4 heures du matin. Donc le soir, bon, c'est pour ça que ça sera pas long, là. Bonsoir à vous, Bob. Bonsoir. Alors, Matrice. Ah, bonjour, vous. Vous aussi, il y avait eu un malentendu à un moment donné parce que des gens m'avaient dit des choses, puis bon, c'était pas. Justement, je ne l'avais pas cru. Donc. Ah oui, j'ai vu ça passer dans mes notifications. Pas encore eu le temps de regarder ça. C'est pas nécessaire. L'individualisation ou l'individuel. L'individualisation, c'est la relation avec sa propre source. Elle annihile toute relation avec un gourou, une religion, une secte. Ouais. Pourtant, ce qu'on dit là, ça passe pour de la secte. Bonjour, Bertel, 3 heures du matin. Ah oui, étonnant. Voir un direct, moi, j'en fais pas le soir d'habitude. Puis là, bon. J'ai dit, je vais en faire un. Ça va se passer les vidéos, puis bon. Puis je suis pas en colère de ça. Je suis peiné un petit peu. Vous savez, là, après avoir passé des années à essayer de prévenir le monde, comme par rapport même au supramental, j'ai prévenu les gens. que non, je passe pour. Je fais partie de. Bon. Bonjour, oui, j'ai pas eu le temps de vous lire, Julie. Donc, bon, l'affaire, c'est que j'ai réellement été le bienveillant. J'ai vraiment été bienveillant. On essaye de prévenir les gens qui soient moins naïfs, même des fois des années à l'avance. On a parlé des choses qui s'en venaient. Puis finalement, bon, on va me faire mettre. Le pire, c'est que l'affaire que le supramental, c'est une secte luciférienne. Je ne suis pas loin d'être d'accord. Je parle le côté social, je parle le côté élitiste social, les aspects sociaux qui ont été engendrés par ça. Je suis pas loin d'être d'accord, là. Mais bon, c'est dur d'être nuancé de nos jours. Je dis la vibration est différente le soir, c'est le fun. Maudit autocorrecteur, ok. Moi, ouais, ben, le soir, bon, je suis plus fatigué, là. Puis, comme je vous dis, je me suis levé de bonne heure. Puis bon. Les gens mélangent pas mal d'affaires aussi, je le sais. On peut pas leur en vouloir. De nos jours, il y a tellement d'informations, puis bon. On est noyé dans l'information. C'est dur d'avoir du discernement. Donc, bon, bonsoir. Le type de ce matin, ça ne veut pas vraiment la peine de se mettre dans des états bizarres. Je suis pas dans un état bizarroïde. J'ai-tu l'air. Non, je suis pas dans un état bizarroïde, pas du tout. Franchement, pourquoi vous me dites ça? Moi, c'est inévitable la reprise des instructions. Ben oui, on l'avait dit que ça arriverait. Le supramental est une programmation de la matrice cosmique. Ouais, si on regarde au-delà de la forme, j'ai pas le droit de. J'ai pas le droit. J'ai pas le choix d'être d'accord. Ben oui, mais comme tout le reste, je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas une programmation? Bon, c'est bien difficile de trouver de quoi qu'il n'y en ait pas, hein? Mais non, ça m'a fait un petit peu de peine. L'affaire, c'est que, bon, des années de temps à essayer justement de parler de ce qu'on voit, la décadence qu'on voit en toute chose. Puis finalement, bon, je ne me vois pas, pas envie de me faire ramasser là-dedans, parce que ça n'a pas rapport. Bonsoir. L'humour, avec toutes ces affaires, pourront nous aider un peu tous sérieux sans se prendre trop sérieux. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je viens à bout de rester. Je ne vais pas devenir agressif avec ça, là. Même je prends ça en riant un petit peu. Mais je ne m'attendais pas à ça. L'affaire, ben, je le savais que ça arriverait. Ça finirait par arriver, c'est sûr. C'est sûr. Puis en plus, je suis un de ceux qui a. Vous savez, là, il y a une vague, là. C'est devenu quand même assez. Il y en a pas mal, là, qui en parlent. Je participais à ça, dans le fond. Donc, chacun le vivra de manière unique. Oui, ben, comme n'importe quoi. Bon, va falloir que j'aille voir ça après le live. Moi, ouais. Ben, comme je vous dis, ça vaut peut-être pas la peine, là. Nous sommes de. Louise, j'ai pas. C'est vrai que le mot supramental l'agace maintenant. Les mots se vident dans leur sens le plus en plus vite aussi qu'ils sont récupérés. Ben oui, je le sais. Mais c'est parce que c'est interprété. Supramental, ça veut juste dire au-delà de l'intellect, au-dessus de l'intellect. C'est tout. Puis c'est rendu synonyme de comme de surhomme, là, comme on voit dans certaines doctrines. Ça n'a pas rapport. Tu fais des jaloux, je pense pas. Je pense pas. Il y a. Place à l'interprétation, on ne sait pas ce que ton image veut dire. Peux-tu l'expliquer? Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Dans le sens où vous voulez donner une signification à tout prix? C'est juste de la géométrie, c'est juste de la mécanique, c'est juste des lois systémiques. C'est tout. Puis de faire de la géométrie, ben des fois, ça permet d'interrompre l'intellect. Puis, ou regarder certaines figures géométriques, ça permet justement d'arrêter le réflectif. C'est tout. Donc, juste un mot pour vous dire que des gens normaux et sains vous écoutent et vous apprécient. Ils sont discrets, ont une vie. De facto, les chaudrons et les words émergent davantage. Ben, pas nécessairement. Moi, je trouve que j'ai un bon public. Du bon monde. Puis, vraiment, là. Puis, quand même, là, c'est pas pire. Quand je regarde le public d'autres, là. C'est justement là, par rapport là, à la chaîne dont on parle, bon, les gens, la foi, FOIE, puis... Non, ça, c'est le foie. La foi. Comment retrouver son pouvoir? Vous n'avez pas mis de point d'interrogation? Parle-moi de la rencontre avec ton double. Oh. J'en ai déjà parlé de ça. Puis là, c'est comme si je me sentais genre. C'est un peu comme aujourd'hui, je faisais une vidéo, puis le chat vient me voir. Moi, je bon. Puis gratter le chat. Ça va passer pour un démon familier, ça. Donné par Satan en personne. Hein? C'est personnel. C'est pas que c'est personnel tant que ça, c'est parce que j'en ai déjà parlé. Comme l'affaire, comment retrouver son pouvoir, quoi, vous l'avez perdu? Ça dépend ce que vous voulez dire, comme parler de la rencontre avec le double. Ben, ça revient au même qu'il y a des gens qui parlent d'expérience avec leur ange gardien, au fond. Ça revient au même. Puis, bon, ben, les premières fois, oui, c'était comme des rêves. Il y a une fois que, même particulière que, bon, en tout cas, c'est. Moi, c'est drôle. J'ai pas des contacts fréquents. C'est espacé de plusieurs années. Des fois, je sens une présence, oui, c'est correct. Mais là, moi, bon, ben, c'est juste que, bon, dans le fond, ça revient à ce que d'autres appellent l'ange gardien. C'est tout. Puis, bon, oui, on a des rapports avec ça, qu'on le veuille ou pas. Puis, je l'ai jamais senti trop comme un gardien, là. Genre, bon. On va souvent me laisser m'arranger, là, puis... Bonsoir tout le monde, bonsoir Steve, oh, matrice, moi. Ouais, ben, j'en ai déjà parlé de ça. Puis, bon, à cette heure, c'est comme si j'avais peur que ça va être interprété n'importe comment. C'est ça, là, ça devient fatigant, ça. Je veux dire, il y a du monde qui parle de leur ange gardien, pour ça, on ne dit rien. Parle du double. Hey, le double, luciférien, sataniste. Bon, ben là, on n'a plus moyen de parler. On va tous se retrouver. Vous savez, quand on regarde justement aussi le côté politiquement correct, puis les choses comme ça, on vit à une époque. On peut moins parler maintenant qu'avant. On se crisse des autres moins. Ben, moi, je ne suis pas comme ça. Peux pas me. Oui, des fois, oui, mais pour des raisons techniques, parce qu'à un moment donné, si on est trop. Si on est trop. Si on donne trop d'importance, des fois, ça nuit. Fait que des fois, oui, il faut se crisser des autres. Mais c'est pas tout le temps ajusté, là. On peut pas se permettre de se crisser des autres, on va devenir inhumain. C'est pas tant l'interprétation que la recherche d'un mode d'emploi. Mais il n'y a pas de recette. Ben c'est ça, il n'y en a pas. Il va falloir. Ben vous voyez, là, si j'étais une secte et un gourou, là, je vous donnerais des recettes, puis une doctrine, puis des affaires. Puis dans le fond, ce que ça me dit, arrangez-vous. Arrangez-vous. Dans le sens que c'est de même, ça marche. À un moment donné, là. La présence du double ne serait-il pas un alignement plus ou moins serré avec ses multiples parts? Je les vis simplement aujourd'hui. Oui, on peut les décrire comme ça. Dire que c'est géométrique et pas symbolique, ton image, c'est déjà significatif. S'il y avait su ça, Blanchette n'aurait pas Puis supposer des choses, ça me semble le point de départ du malentendu. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, c'est pour ça que j'ai repris le chrisme. Puis j'ai montré qu'on peut faire pareil avec, là. Ça, je veux dire, à un moment donné, là, des fois, une image, c'est rien qu'une image, parce qu'au lieu de mettre un masking tape sur ma caméra, j'ai mis une image. Donc, c'est juste des lois mathématiques autorégulées, universelles. D'ailleurs, ça a tout le temps été important jusqu'à un certain point. Je veux dire, vous savez, que 1 plus 1, ça fait 2, ben ça, c'est universel. Puis ça ne vient pas de nous. C'est des lois qui étaient là avant. C'est juste ça, là. Donc, bonsoir, Angélique. Christine, je viens de vivre une expérience étonnante. Tu avais 4 cuillères enroulées chacune dans un papier, qu'on les a déroulées, une cuillère à travers le papier et est en dehors. Je n'ai pas d'explication. Malheureusement, j'ai de la misère à comprendre ce que vous parlez, là. 50% de portails organiques sur Terre, réalité cachée. Ben, moi, ce que je vous dis, c'est de faire attention de pas déshumaniser les gens, dans le sens que j'ai bien de la misère à croire à ça. Parce que c'est là, à un moment donné, qu'on se coupe des autres, parce qu'on les catégorise. Enfin, je trouve ça dangereux. Ça revient, c'est aussi pire que de dire, ben, il y en a qui n'ont pas d'âme, ou il y en a qui... C'est à faire attention. C'est difficile, là, on lire le cœur d'un humain. C'est pas, les humains n'ont pas le talent de lire les cœurs. Donc, vous nous parlez à nous, vous ne pouvez pas tenir compte de toutes les sensibilités, toutes les opinions des autres, ceux qui ne vous suivent pas habituellement. Rien ne sera plus dit. Bon, ben non, c'est pas sur l'affaire, là. Moi aussi, cela a été un gros choc pour moi. En quoi ça? Bonsoir Bertold, en effet, comme toi, je pense que la sensibilité pour l'autre est très importante. Le principe de l'amour, ben c'est ça. Le principe de l'amour, ben, au niveau des lois de l'âme, c'est ce qui nous lie un peu. Mais à un moment donné, bon, c'est bien beau, mais il va falloir que le principe de l'amour, il soit conscient, c'est-à-dire que ce soit par une vue. Une vue de l'autre. Oui, à un point de conscience prépersonnelle avancé, tous les humains sont comme nos enfants sans distinction, c'est ça. Car je vous aime et voilà, certains sont tellement malins et méchants. Mais même là, ça vient-tu d'eux? Est-ce que ça vient d'eux? C'est pour ça que je dis, faire attention, on se trompe d'ennemi. Des fois, souvent, je commence à comprendre ce dont on parle à propos de, mais sérieusement, juste les backgrounds de ces vidéos suggèrent quelque chose de sectaire, pas mal plus qu'ici. Ben non, pas nécessairement. Faut garder un certain respect, quoique si tu cherches, tu ne trouveras pas. Moi, ben, d'habitude, je suis assez, j'ai mauvais caractère, hein. Puis là, non, en colère. Mais là, ça venait de quelqu'un que j'estime. Que j'estime, que j'aimais bien. Puis le pire, c'est que je le savais à un moment donné que j'allais. On allait y passer. C'est sûr que c'est venu de même. C'est sûr. Donc, bon, on va faire mettre dans le même bain que. On va mettre le supramental dans le même bain que les dièses, là. Puis les chamanesses, puis... Ben oui. Les Québécois sont spéciaux. Ou pu, ou pu, quoi? Cherche, tu ne me trouveras pas, ou pu, moi. J'ai précisé si on se fie à une image. Moi. Ben non, mais là... je veux dire... Quand on veut le bien commun, puis qu'on est sincère dans son affaire, puis bon. À un moment donné, ça vient peinant. Ça vient peinant parce que tu te dis, ben là, finalement, je fais ça pourquoi, moi, là? pour me faire traiter d'hérétique puis de sataniste. En tout cas, ça va pourtant manque de discernement. Ben là, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est une bonne personne. C'est la vie, ben oui. Qu'est-ce que ça a déjà parlé de supramental mental de Sri Aurobindo? Je ne suis pas sûr, ça me surprend pas. Mais eux autres, c'est une sorte de... Ils sont dans de la synthèse de tout. De tout, c'est comme une soupe. Donc oui, ils parlent de tout. Mais peut-être que, je ne sais pas, mais moi, Aurobindo, m'a jamais accroché, hein. Tout à fait, il arrive à ce point où, en sortant de sa propre astralité, on ne peut plus être victime de celle des autres. Pas évident de rester. Ouais. Une intelligence artificielle est derrière tout cela. Je vous dis ça, corps vécu. Attends, ben oui. Ben ouais, mais c'est quoi justement ce qu'on appelle l'astral? C'est intelligent, puis c'est pas conscient, c'est ça, de l'intelligence artificielle. Puis, quand quelque chose n'est pas créatif, ça va être un copieur. C'est un petit peu ça, le malin. Quelque chose qui singe l'intelligence. Donc, bon, oui, c'est de l'intelligence artificielle. N'est-ce pas inévitable qu'à un moment, le supra soit vu par certains comme satanique? Bon, pas sûrement. Sûrement. L'affaire, c'est que je ne suis pas loin d'être d'accord. Ben, avec tout ce qu'on voit dans ce milieu-là, pourtant, j'ai essayé, moi, d'en parler. Puis bon, un beau bonsoir. Bonsoir, Chris. Imi, oh, Matrice, ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tu sais, on fait ce qu'on peut. Mais bon, Bernard lui-même, il disait, vous le savez pas, si je suis pas satanique, mais ça, c'était pour, entre autres, inculquer le principe au monde de ne pas croire. Fait que dans le fond, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je pense que non, là, mais dans le fond, je peux pas. J'ai vu que tu avais fait deux lives en parlant. Bon, c'est pas des lives. J'ai dénoncé. Ouais, l'opposition contrôle. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Ça se peut que ce soit un peu comme, bon, que des agences de renseignement servent d'une chaîne pour ficher du monde. C'est sûr, parce que c'est sûr, lui, il est dans l'œil du CRS. C'est sûr, sûr, sûr. Sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Je suis 100% sûr. 100% sûr. C'est sûr, il est surveillé. Mais là, est-ce que... Pense pas, là. J'ai l'air de quelqu'un de bien. J'ai été voir ce monsieur. OK, bon. Ben là... L'astral ou l'intelligence artificielle nourrit les désirs de l'ego. Pas seulement. Il ne faut pas oublier que, bon, on a une animalité. Puis justement, bon, ben, ça fait partie des forces subjectives qui nous influencent. Donc, bon, c'est pour ça, moi, le monde qui prône l'animalité puis qui met sur un piédestal l'animalité. J'ai de la misère. Être un gourou, à mon avis, il fait trop de polarisation en plus d'essayer d'endoctriner le peuple avec ses histoires et afficher les autres gourous. Bon, bon. Ben, peut-être. Je le sais pas. Moi, je pense qu'il est sincère. C'est rare que l'on te voit faire des lives le soir. Ouais, je sais, c'est pour se passer un petit peu. Bonne soirée à tous. Plus, je vous aime. Ah, ben, bonne soirée. Merci d'être venu. C'est bien de te voir en live, moi. Alors, je vais arrêter vers 10h. Si vous aviez suivi dans un truc pas possible, mais sans épier en permanence, il fallait déménager en 4 jours sans entrer dans les détails. Mais je ne suis pas si ébranlé malgré tout. Ah, ben, si vous le prenez bien. Il maintient l'emprise de certaines programmations. Moi, ben, oui, mais même moi, probablement, sans m'en rendre compte. J'ai hâte à une autre audio de toi et David. Je vous trouve très OK. Bon, ben, ça devrait se faire à un moment donné. Je veux qu'on prenne un petit peu de temps avant d'en refaire une. Vous avez bien parlé du supramental, aucun reproche à vous faire. Ben, j'ai fait mon possible. Justement, pour expliquer les phénomènes, montrer que c'est des phénomènes tangibles, que c'est lié au psychisme humain, que c'est, dans le fond, c'est une branche de la psychologie, quelque part au niveau empirique de ce qu'on peut vérifier ou pas. Moi, j'ai jamais prôné une doctrine, là. En tout cas, dans la guerre psychologique qui se joue présentement, c'est clair que la sphère spirituelle récupère de tout bord, tout côté. Ben, la guerre est spirituelle. Ben oui. La chicane est pognée. Puis, c'est les armes, hein, l'enjeu. En tout cas, ben là, tu sais, quand tu te fais catégoriser d'un bord ou de l'autre, de manière. Il nous permet d'exercer une volonté d'opposition. Ah, c'est une suite. Il maintient la moins. Beaucoup de vérité quand David lève et t'invite. Ah, je fais mon possible. Puis même là, vérité, vous savez, c'est. Mais au fond, l'opposition contrôlée sert à quoi, d'après toi? Ben, ça le dit. Quand vous avez une opposition contrôlée, c'est plus facile de contrôler les oppositions non contrôlées. C'est à ça que ça sert. À nous donner l'occasion de la dépasser. Ah, faudrait que je lise. Moi, j'y vois aucune tension polarisée. C'est juste une mécanique. OK, par rapport à. En tout cas, de mon point de vue, par rapport à. Il nous permet d'exercer une volonté moins. Oui, ils ont parlé du supramental et ça m'a mis dans une bulle de paix et tranquillité, autant que David Lev et le duo. Mais captive, bref, pas mieux de ne pas être trop captivé par rien. Dans le milieu supramental, vous avez amené bien des affaires plus systémiques, utiles, permettant de ramener ces affaires au centre. C'est très utile, il sera beaucoup. Ben, je fais mon possible. Oui, ben, c'est ça l'affaire quand tu es honnête et tu es sincère dans ton affaire. Puis qu'en plus, tu n'es pas dans. C'est pas comme si j'étais persuadé de comme si Bernard de Montréal c'était mon gourou, puis moi je transmets cette doctrine. Au contraire, je suis très critique. Très, très critique. Mais au niveau des phénomènes psychiques, il y a certaines choses qu'il va falloir l'observer, l'étudier pareil. Je veux dire, bon. Moi, ça m'a beaucoup aidé de ce que vous avez véhiculé. Souvent, j'ai trouvé. Et c'était très concret, à bien à point. Oui, ben moi, j'essaie de regarder le côté pratique, tangible, qui est même empirique dans le sens que vous pouvez vérifier, puis vous pouvez le tester, vous pouvez... C'est pour ça que je ne me suis pas, moi, concentré sur l'aspect théorie. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Oui, ça fait plaisir qu'il n'y en ait pas un énième détournement de l'instruction à des fins financières. Ben même, comment je pourrais dire ça? Il reste qu'on revient tout le temps à ça. BDM parlait des gardiens de la terre, les gnomes, vous en pensez quoi? C'est des vieilles affaires, ça. Les gnomes, bon, ben, c'était dans les élémentaux. Bon, vous avez des entités de la Terre ou rattachées à la Terre. Donc, bon, on ne pense pas. Mais l'affaire, c'est ces affaires-là, je ne vois pas l'intérêt de s'intéresser à ça. Dans le fond, là. Bon, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Pierre Blanchet est un peu trop sévère, je pense, avec les gens, moi. C'est pour ça, d'où être indulgent. C'est aussi bien être indulgent. On n'est pas pour répondre par la sévérité. Parce que sinon, c'est comme un piège. C'est ça, un petit peu aussi présenté l'autre jour. Ça, j'ai dit, ben moi, je t'en veux pas, là. Je t'aime bien. Ça doit être... ça doit pas arriver souvent, là. Dans le sens que... Bon, tu mets le doigt sur quelque chose, tu dénonces de quoi, puis il y a une personne qui arrive et dit « Ben, moi, je t'aime bien. Je t'en veux pas. » Bon, puis le pire, c'est ça. C'est vrai. Bon, OK. Donc, bonne soirée, j'irai visite. OK, bonne soirée à vous. Il faut écouter Patrick. Il fait peur. C'est que ça, Patrick, lui, il fait peur. Il y en a pas mal qui font peur. BDM a ouvert un chemin, mais il n'a pas tout réglé. On avance encore aujourd'hui au-delà de tout ce qu'il a pu dire. Ben, il faut. Il faut. Ah, vous, je revisiterai. OK, bon, ben, bonne soirée, Louise. Ah, c'est Patrick. Ouais. Ben, vous savez, c'est pas de mes affaires, hein. On va pas me mettre à. Bon. Puis, je l'ai jamais écouté assez. Mais, j'accroche pas. J'accroche pas. Fait que je l'ai jamais écouté assez. Fait que j'ose pas me prononcer, j'ai pas à le faire. Donc, bon. Peut-être que ça fait peur, mais je vais être franc avec vous, ils font toutes peur. Ils font toutes peur, donc un petit peu, là. Il y a peut-être ça bourrin, puis. Il est bien tranquille, là. Mais il reste que. Non, ben, vous savez, dans le fond, on s'en va vers des temps encore plus troublés. C'est quoi ça, MB? MB. Ah. On s'en va vers des temps encore plus troublés. La tension monte. Les gens, psychologiquement, ils se raccrochent de plus en plus à toutes sortes de choses. Puis vous savez, bon, ben, quand on se raccroche à quelque chose psychologiquement, ben, on le défend. Hein? Puis quand c'est attaqué, on sent comme si c'était soi qui était attaqué. Donc, ça va brasser. Ça va brasser, il va en avoir des chicaneries, il va en avoir de l'agressivité, il va en avoir des accusations, il va en avoir de la projection. C'est pas grave. Moi aussi, ils me font tous peur. Ben oui. Ben, c'est peut-être. On a peut-être des raisons, je veux dire, c'est lié peut-être et tout à un ressenti par rapport à certaines choses. Donc, oui, peut-être c'est un milieu. T'sais, je veux dire, pas tout tasse tout, là. C'est pour ça que je reste indulgent, puis je dis, ben, je me prononce car j'ai écouté. C'est triste car certains peuvent se prendre par ce genre de personnes, surtout les gens qui vont vers le supra en croyant que ça va être un remède miracle. Le monde ne s'en rend pas compte. Mais c'est correct, moi. Le monde ne se rend pas compte. C'est leur expérience. Ben oui. Ils ne se rendent pas compte, hein? Vraiment pas. Puis là, ben, c'est dangereux aussi. Je veux dire, il y en a du monde. Il aurait dû laisser ça là. Il faut surtout pas oublier de s'écouter soi-même. Ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Ben oui, je comprends. C'est pas ça pourrait être interprété comme. Vous savez, il y en a qui s'écoutent, puis bon, c'est pas tout le temps. Ouais, ça dépend ce que vous voulez dire par là. Hein, monsieur, vous avez peut-être une relation de sympathie avec lui. Je l'ai écouté et il ne passe pas pour moi. Oh, je connais personne qui. Moi, je suggérais sa chaîne à des gens que je connaissais, à des même à des correspondants. Puis souvent, le monde, il revenait et me disait « Je suis pas capable » ou « En tout cas. » Mais il reste, moi, j'ai tout le temps trouvé ça qui était sympathique. En gros, je suis pas mal d'accord. En gros, une relation avec David... une relation avec David Lève, les voix supra, moi. Mais... Non, non, moi je l'ai tout le temps, j'ai tout le temps fait une certaine promotion. Je donnais le lien de tout le monde que je pouvais. Il y en a des fois, ils me disaient, ben, il y en a, ceux qui apprécient, je pense qu'ils je n'avais pas de retour. Mais ceux qui n'apprécient pas, ils me disaient, ben, c'est polarisant, puis il est un peu baveux. Il trouvait ça. Bon, autant que moi. Ah, non, non. Peut-être pas autant que toi. Mais il reste que, bon, je veux dire, sûr que c'est une bonne personne. Je veux dire, ça sent ça. Genre de personne qui est là, si t'as besoin de déménager ou bon. J'aime pas les élastiques dans les parois. Ouais, moi non plus, mais c'est correct, là. Je veux dire. C'est pas grave, là. C'est pas ça que. Bon. Je vois David Lev comme ton coach de vie. On dirait, c'est comme un coach des Canadiens qui échange. Je te guide et t'appuie en plus de te donner la parole. David Lev, t'aime beaucoup. Ben, c'est réciproque. Je suis très reconnaissant. Vraiment. Puis même des fois, c'est comme là, la dernière fois, j'ai dit, on va attendre un peu avant d'en refaire une. Parce que, bon, faut pas non plus. Faut pas non plus que ça soit trop serré, là, les échanges. Donc, bon. Dans le fond, chacun va où ça vibre pour eux-mêmes, selon, oui, la programmation, mais aussi la direction de la conscience de chacun. Ben, c'est là qu'on a un certain problème. Parce qu'il y en a que ça vaut rien, de la conscience. Dans le sens qu'ils vont aller selon ce qui était prédéfini avant. Puis comme ça, ben, t'as pas, c'est pas, t'es plus vraiment. Bon, je peux comprendre, là. Je peux comprendre. C'est correct, dans le fond, là. Bon. En tout cas. Mais il reste que. Ouais, ça m'a peiné un petit peu. Ça m'a peiné un petit peu. Pourtant, je le savais que ça finirait par arriver. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça ne deviendra pas personnel. On peut critiquer ce qu'on considère comme une doctrine, mais là, à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne trop personnel. Faire attention. Je comprends, à un moment donné, il faut aussi que vous preniez du temps, chacun pour soi, tout en gardant le contact. Ben oui. Ben oui. Pour aujourd'hui, ouais, j'en ai manqué de temps. Puis là, dès que je pouvais, je venais voir, là. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, je n'avais pas vu si mon message était là. Je n'ai pas fait défiler tous les commentaires. J'étais occupé. À un moment donné, il a fallu que je lève, que je parte. Puis j'ai refait la deuxième vidéo quand j'ai pu. Puis là, j'attendais quelqu'un. Je comprends un moment, ouais. Donc, ouais. C'est tombé dans une journée un petit peu chargée. Un petit peu chargée. Mais, content pareil. Je suis content pareil. Dans le sens que, bon, ben, c'est plus clair, là. Là, je suis fixé. Je suis fixé. Imaginez, je pose pour un protestant. Pourquoi? Parce que je parle de faits historiques reconnus par l'Église elle-même. Désolé, là. C'est pas parce qu'il y a des protestants qui ont sorti les mêmes arguments que ça fait de moi un protestant. Je veux dire, c'est notre histoire commune. Hein? Dans mon coin, là, je suis au courant de pas mal certaines choses là, par rapport les institutions religieuses, là. Des affaires, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, il n'y a pas juste les hommes, hein, qui ouais. Je me souviens un coup, c'était par rapport à une femme qui avait été dans un orphelinat en Gaspésie. Puis, j'en revenais pas de ce qu'elle me racontait. Incroyable. Vraiment incroyable. Prenez juste l'affaire de la confession. Vous pouvez avoir un confesseur qui est tout simplement quelqu'un de proche. Pas besoin de. Je me rappelle d'une, là. Son frère abusait d'elle, puis elle était allée parler de ça dans le confessionnal. Puis maintenant, s'est rendu compte que le curé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous. T'sais, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. C'est ça que ça fait, l'hypocrisie, c'est dangereux. Puis bon, c'est des humains, hein? Puis, en tout cas, c'est bon, c'est live. Ah oui, tu trouves. Vous trouvez ça? J'ai eu une mauvaise journée. Impossible de fermer l'œil. Ah oh, oui. Bon, ça arrive. Hein. Aujourd'hui, l'esprit vous a testé. Je sais pas. Ben, testé. Si c'est un test, pas pire, là. Quand je m'étais fait raser le jardin, là, le test il était fort en maudit. Mais là, aujourd'hui, non. Même, j'ai pris ça quand même en riant. J'ai pris quand même, j'ai vu que je vois ça comme, bon, c'est anecdotique un peu, là. Mais c'est des choses qui arrivent. On pouvait se douter que ça arriverait. C'est drôle, hein, parce que moi, je partageais, puis le monde, il me répondait, il dit, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, il serait le premier à te considérer comme là. Puis je le savais, puis ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, puis c'est correct. C'est correct. C'est rare que je pogne le soir, je viens de tomber sur le live. Tout va bien? Oui. Oui, mais je suis sur le bord de cesser là, dans 15 minutes. Mais bon. Non, j'ai bien de la misère avec. C'est comme si on n'acceptait pas. On dirait qu'on n'accepte pas l'histoire, on n'accepte pas le factuel, on accepte, on veut pas accepter la réalité. À savoir, bon, ben, les églises, c'est des mafias, souvent. D'une certaine façon, je parle des institutions humaines. Puis bon, ta propriétaire ne s'est pas mêlée de ses affaires et elle a détruit une partie de ton travail. Ouais, mais non, c'est un employé. C'est un de ses employés. Puis bon, quand je suis allé la chercher, là, j'ai dit, hey, venez voir ce qu'il m'a fait, votre taouin. Venez voir ce qu'il a fait. Elle était gênée. En tout cas, ouais, c'est un employé qui a fait ça. Ben non, la propriétaire, elle ne va pas venir. Mais là, ouais, j'aurais dû. Pourtant, en tout cas, j'avais un accord avec, puis c'était pas supposé arriver comme ça. Elle ne peut pas se douter à quel point est-ce que ça m'a fait. Elle peut pas se douter. Tu sais, quand tout ce que tu aimes, dans le fond, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime le plus, l'été, avoir mon petit jardin, puis. Non, ça m'avait. En plus, je me disais, c'est peut-être le dernier été normal qu'on va avoir. Puis, en plus, j'en avais racheté cet été-là. Cet été-là, j'ai racheté énormément de vivaces, j'ai racheté énormément d'affaires. Puis, je me suis tout fait tellement que c'était tellement coupé à ras que la photosynthèse ne faisait pas, puis j'ai des vivaces qui sont mortes. Puis, en plus, ici, bon, l'été, ça dure 2 mois. Même pas. En plein milieu de l'été. Hey, j'étais. Ça a pas repoussé, là. Il fait trop froid ici. Je suis pas mal dans le nord. Puis ça m'a découragé. Ça m'a découragé. Il y a quelque chose d'inébranlable dans sa vision des choses, toi aussi. Tu es comme ça. Vous êtes tous les deux tellement intéressants. Ouais, ok. Je vais le prendre comme un compliment. Mais du coup, c'est forcément arrivé pour une bonne raison, non? Non. J'ai aucune bonne raison à ça. Ah non, moi quand c'est arrivé, ça, j'étais. J'en ai perdu l'appétit, je l'ai pas retrouvé. Hein. Je suis pas devenu dépressif, mais j'en ai perdu l'appétit. J'ai recommencé à fumer. Ça m'a vraiment donné un coup. Ça m'a vraiment donné un coup, même. Je suis pas attaché à des. D'affaires extraordinaires, je t'attachais à des petites choses simples. Maintenant, chacun a sa vérité et après, il va prendre à la défendre à coup de poing s'il le faut. Il faut quand même qu'on vive ensemble. Ben oui, puis le pire, c'est que moi, j'en ai pas de vérité à défendre. J'ai rien à défendre. Voyons, là. J'ai rien à défendre. On en parle si tu veux. On va trouver quoi. Ah non, moi j'ai rien à défendre. C'est ça l'affaire. Moi, ce que j'en reviens pas, c'est je suis obligé de me défendre moi, d'une certaine façon. Là. Je trouvais ça spécial. J'ai dit, ben là, elle aurait pu me demander la permission. Le pire, c'est que j'y aurais donné. Mais là, non. Non, non, non. Dans l'avenir, il n'y en a pas de permission. C'est pas mon genre, hein. J'ai tout le temps laissé tout le monde faire ce qu'il voulait avec mes affaires. Puis cette fois-là, mettons qu'il y aurait encore de quoi de même, là, je ne le laisserai pas passer, hein. Oh non. Oh non. Oh non. Pas question. Non, pas pour toi. Ok, bon. Je ne parle pas de toi au sujet de la vérité. Ok, moi. Bon. Ben oui, moi, je veux juste avoir la paix. Ne prends pas trop à cœur la bêtise humaine. Non, je ne la prends pas trop à cœur. Hey, je serais bien trop malheureux. Qui s'identifie à leur ego. Reviens à Quintoun, Quintounis. Vous savez, là, qui tu es? Ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bonne nuit, Bertel. Je travaille demain matin. Moi aussi, je ne mange plus que du café. Ah, oh, ben là, faites pas ça, là. Non, je parle aller vous coucher, mais manger un peu. Ben, je mange, vous m'avez vu manger. Je mange du tamarin, puis des jujubes fumés. Ben, bon. En tout cas, pourquoi les petites choses simples de la vie nous font mal de manière disproportionnée, tandis que nous sommes inébranlables dans l'œil du cyclone? Papa, j'ai rien d'autre. C'est les petites choses comme ça, moi, j'ai rien d'autre. J'ai un petit peu. Ben, c'est un petit peu une vie de sacrifice, d'une certaine façon. Ouais. Puis bon, je le regrette pas, là, c'est correct. Mais il reste que bon. C'est une vie de sacrifice pareil. Des fois, je me dis, si je faisais comme mon frère, puis donc les proches de qui je m'occupe étaient placés. Je pourrais faire comme mon frère, puis ben, je suis pas capable. Je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Quand on regarde là, les institutions du gouvernement, puis les institutions privées, non, jamais. J'ai pas confiance. Donc, oui, je suis prêt à sacrifier mon ambition, puis mon intimité, puis ce que j'aime, pour faire ce que je pense être juste. C'est une façon aussi d'en remettre. Et bon, père et mère, tu honoreras. C'est correct. Vous parlez toujours de ce qui s'en vient. Dites-nous un peu plus. Question de faire de l'insomnie, bien sûr. Ben, qu'est-ce qui s'en vient? On le connaît, hein? Le projet. L'affaire, si on n'est même pas sûr si ça va se faire ou pas, parce que bon, il y a des imprévus, il se passe toutes sortes de choses. Des fois, ils accélèrent ça, des fois, ils ralentissent. Donc, c'est comme une affaire de timing. Mais là, on arrive vers 2023. Ouais. Vous savez, ben, c'est pas juste ça. On va avoir droit possiblement à une guerre. Troisième guerre. Planifiée il y a longtemps, dans le fond. Puis bon. Ça vous tente-tu de vivre en économie de guerre avec des tickets de rationnement? On va être le fun. Hein? En tout cas, la vie est là pour se faire chier. Il faut être créatif en temps pour ne pas vivre dans cette impression. Je suis content pareil. 2023 est un projet charnière, ben oui. Oh oui. De la même façon que 2020 en était un, de la même façon que après, bon, jusqu'à 2030. Puis c'est incroyable quand même. Incroyable quand même. Salut! Hey, l'oiseau moqueur, salut! Je m'excuse là, si je réponds pas tout le temps les commentaires, puis tout, puis je voudrais le faire à temps perdu, puis finalement, je le fais pas. Puis bon, ça dépend tout le temps de ma journée, là. Incroyable, mais vrai. quoi ça? Ça dépend de ma journée, ça dépend comment je vais. Puis... Ben, de comment je vais, je veux dire, ça va bien, mais il reste que ça dépend tout le temps de le. Bon, c'est correct. C'est correct, le burp, moi. Mais des fois, oui, j'ai du découragement, puis je le vois ce qui se passe, puis comme tout le monde, ça me fait de la peine. Moi aussi, j'aimerais ça que ça soit autrement. Tu peux pas te mettre la tête à quatre places en même temps, mais oui, c'est sûr. Bonne soirée, garde la pêche. OK, bonne soirée. J'ai commencé à échanger avec des gens de ma région pour de l'entraide. Ils se créent des systèmes parallèles comme on peut. Ben oui, puis peut-être qu'on n'aura pas le choix. Quand j'étais enfant, les gens les plus intéressants que j'ai connus, c'est du monde qui avait vécu la Grande Dépression. Puis ils en savaient des affaires. Faut commencer à quelque part. Ben oui, la grosse cible en haut de la pyramide. Ouais. Ben, moi, même lui, je le vois comme un exécutant. Monsieur Schwab, là. Ouais. C'est de voir que, bon, voir que moi, bon, je ferais partie de quelque chose qui sert à égarer les gens. C'est un peu comme mettre dans le même panier que ce monde-là, là. Si vraiment, moi, je suis un complice du malin, moi, que j'ai jamais demandé une scène, on va commencer à demander de me payer mieux que ça. Pense pas, là. D'après moi, je travaille pour le bar qui donne rien de ton vivant. En tout cas, c'est louable de s'occuper de vos gens âgés. C'est rare, c'est un principe de loyauté. Ben oui. Ben, vous savez, ce qui est spécial, c'est que prends soin de toi. OK, au revoir, je l'ai. Ce qui est spécial, c'est qu'étant enfant, j'ai pris la décision de jamais avoir d'enfant. Quand j'ai commencé à aller à l'école, puis que j'ai vu ça, comment c'était ce système-là. Puis finalement, j'ai choisi de jamais avoir d'enfant. Puis finalement, bon, ben, je suis quand même. Des fois, je vois du monde qui ont des enfants, ils disent, oh, j'ai pas de vie. Ah ouais, c'est comme si moi, je n'avais plus. Mais c'est pas grave. Pierre, c'est lui qui est dans la clique à Amélie et Emile. Ben, ce qui se ressemble et se fait face souvent, ou il va y avoir de la polarité entre des choses qui se ressemblent, puis d'une certaine façon, oui, sur le damier, c'est ces affaires-là qui se font face. Bon, en tout cas, Pierre et Sylvain, Patrick m'ont plus l'air d'être amis, je me trompe. Pierre et Sylvain, Patrick, je ne sais pas de qui vous parlez. Il sert à ça, moi. Au fond, c'est le gros plan du MKUltra, des Rockchill, des Rockefeller. Ben, vous savez, MKUltra, c'est un programme qui avait été commencé par les Allemands. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un cas, là. C'est en allemand. En tout cas, ma fille a 13 ans. Oui, vous avez des enfants. Des fois, je le regrette. Il m'a déjà parlé. Ah oui, il m'a déjà dit. Tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ben, c'est ça la polarité. Qui dit ça? D'habitude, ben, c'est l'adversaire qui dit des affaires de même. Quelque chose d'infiniment bon. Quelque chose dont la miséricorde est infinie, même si tu es contre lui, il va être avec toi. Fait que l'affaire, là, si t'es pas pour moi, tu es contre moi. Ça, c'est l'autre qui parle de même d'habitude. Mais d'un autre côté, je suis pas fou. Pourquoi tu donnes de la crédibilité? Ben non, il ne fait que susciter des aussi pitoyables que Martineau et compagnie. Ben non, là, vous êtes trop sévère. J'aime les enfants, mais je ne crois plus en avoir. En plus, ça ne pogne plus avec les filles. Ils sont trop rendues ignorantes, capricieuses, manipulatrices. Oh, pas non plus. Mais moi, des bonnes conjointes, elles veulent les hommes que pour le portefeuille, et sainte, moi, j'aurais jamais de conjointe, ben, là. Jonathan et Pierre font tous les deux, les vidéos, elles font souvent de la polarité. Ouais. Bon. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. C'est souvent qui parle, bon. Bon, faut le jeu de reflet. J'ai le feeling que le motif de la guerre va prendre plus de contrôle au niveau des peuples, au niveau de la crise sanitaire. J'essaie de transition d'un contrôle plus radical, moi. C'est parce que là, tu peux additionner des raisons de guerre avec des raisons de pandémie. Vous savez, ceux qui étudient les gains de fonction, là, ils n'ont créé un là, qui tuerait 80% des autres infectés. Imaginez, là. Pourquoi ils créent des affaires de même? Ben, pour la science, pour la santé, pour... Ben oui. Effectivement, ça ne vibrait pas pour moi. Ça n'est palpable. Moi, ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est pas grave, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je peux pas y en vouloir. Je peux pas. Je suis pas capable. Je suis pas capable. J'en sais beaucoup sur. OK, on a été assez proches. Il m'a bien aidé. Mais j'ai pris. M'entendre de ne plus me mêler de leurs affaires. Je vais respecter mon entente, ne pas s'en faire avec lui. Ah, oh, ouais. Là, tu m'intrigues un petit peu. Tu m'intrigues un petit peu. Leurs affaires, qui ça? Il y a de fonction, oui. Le monde est fou. C'est ce qu'on en dit, mon chum pis moi, mon chum pis moi. On n'est pas fou, moi pis mon chum, l'escalade géant, vos prix. Monsieur D, il me sortait ça des fois. Des fois, je parlais avec sur Skype, puis il était bien chaud. Puis il me sortait ça. Le monde est fou. Ouais. Lui, je ne m'attendais pas qu'il meure. Ouais. Pas rencontré tant de monde que ça là, dans ce milieu-là qui était vraiment intéressant. Il y avait un séminariste. Mais lui, il était quelqu'un. Il était trop fragile émotivement. Pierre, au début, m'a beaucoup encouragé. Pierre, Sylvain. Ah oh, oui, j'ai eu une grosse chicane. OK. Je ne connais pas les autres. Je crois qu'il aimerait être plus populaire qu'il ne l'est, mais il sent bien que, comme pour l'Église, c'est un combat perdu d'avance, d'où une sorte de jalousie contre ceux qui génèrent plus de buzz. Mais moi, je ne génère pas de buzz. J'ai toujours fait mon possible pour ne pas en générer. Essayer de ne pas trop en générer, rester discret, mêler de mes affaires. Je fais mon possible. Ça ne m'intéresse pas, moi, de faire du buzz. Vraiment pas. Puis bon, je veux dire, il y a bien plus d'abonnés que moi, lui, il y a bien plus de suivis que moi, puis ça, c'est correct. Je veux dire, prenez juste les royalistes, il y en a pas mal en France, puis bon, tu sais, il y a déjà une clientèle, puis bon, elle est déjà faite. Moi, j'ai la misère à comprendre ça. J'ai de la misère à comprendre ça, dans le sens que c'est tout ça qui fait la valeur de... Genre, je veux dire, quand on regarde sur YouTube, plus c'est populaire, pire c'est. Là, tu sais, qu'il peut, tu sais, moi, j'en voudrais pas là, d'une aussi grosse communauté. Puis là, même là, se dire communauté, c'est un peu exagéré. C'est vrai qu'il a déjà sacré... Ben oui. Sylvain Patrick a aussi une chicane. Ah ouais. Voyons, l'esprit de division est donc bien présent. L'ennemi. Pierre était l'adversaire. Pierre était populaire. Il sait probablement cibler les potentiels chrétiens ou autres, mais sans aller trop loin. Tu trouves ça qui n'est pas clean? Oh, ben là, Benny Nero, là, c'est pas que je sais, je ne veux pas non plus. Provoqué. Moi, dans le fond, j'ai rien contre lui. Je pense que, mais là, tu me dis, il n'est pas clean. Ouais. Ben, ça, j'ai l'impression aussi. Puis là, il m'a avoué, ben, oui, c'est un bien grand mot, c'est pas le cas, là, mais il m'a écrit qu'il y a une agence gouvernementale qui avait écrit pour lui dire qu'il était un radical haineux. Des fois, je me demande, je travaillerais pas pour eux autres par hasard? Je ne trouve pas, je sais. Ah oh oui, ok. Mais je l'aime quand même aussi. Ben oui, moi, j'arrive pas à. Il n'est pas clean, moi. C'est un goût. Bon, pas là, ça dépend, là. Je lui dois beaucoup. Ah. Un radical haineux. Ben oui, mais c'est un petit peu. Ça peut être vu comme ça. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est ça, là. Ah oui, je le sais, l'autre chaîne. Pour les gars. C'est drôle, j'ai pas vu l'autre chaîne. En tout cas, moi. C'est fucky. C'est fucky. On sait jamais à quoi on a affaire, à qui on a affaire, on sait jamais ce qui se passe dans le fond. Oh, il m'a enlevé de ses amis Facebook. Je sais pas pourquoi. Ben, probable parce que vous êtes maléfique, là, comme moi. En passant, Benny Nero, c'est Benoît Le Talec. Ah, ça me dit quoi ça? J'ignore si tu te souviens de moi. On s'était parlé concernant les. Oui, je me souviens de vous. Mais d'ailleurs, ça fait longtemps que je parlais dans mes courriels. Il faudrait que j'y retourne. Oui. Oui, je me souviens de vous. Même dans les personnes les plus intéressantes qui m'ont écrit. Moi, ici, je t'ai vu, Sacha. Je l'ai vu, Sacha. Moi. Oh, imaginez David Levresson et Jonathan Rhys-Saint, lequel va moins parler et moins divaguer. Lequel va moins parler et moins divaguer? Ben, je pensais David. Très terre-à-terre quand même, David, puis quelqu'un de très stable. Très stable. Puis intéressant venant de ta part. Ah oui. Ah. Je le pardonne. Je pense que possiblement il est coincé, pas complètement mauvais, mais il s'est trahi par ses comportements. OK. Moi, quand j'étais plus jeune, quand mon père était encore en vie, lui, dès que quelqu'un avait un look un peu de même, il te l'enlignait tout de suite. C'est une petite ville, ici. Quelqu'un qui avait un look de même, il te l'enlignait. Il trouvait une raison. Il trouvait une raison de. Bon, vous le dire, là, mon père, c'était une police. Un officier de police, il était sergent. Puis quand quelqu'un avait un look de même, là, puis là, dans le temps, comme des années 80, c'était un petit peu différent d'aujourd'hui. Souvent, le gars, il se faisait arrêter, puis il savait pas pourquoi. Puis même mon père, il savait pas pourquoi. Mais il disait, ils ont tout le temps quelque chose. Ils ont tout le temps quelque chose. Mon père, il me disait, moi, dès qu'ils ont des tatous sous les bras, là, puis qu'ils ont l'air des fonds de prison, là. Non, non, ils ont tout le temps quelque chose. Ils ont tout le temps quelque chose. Il était spécial. Mais c'était un bon. Il était bon. Il trouvait tout le temps quelque chose. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu trop de troubles. Puis des fois, il était d'énétique. Je le trouvais. Ouais. Il y a eu une plainte à un moment donné aux droits de la personne. Il avait dit à une stripteaseuse haïtienne qui était en manque de cocaïne, il avait dit là, redescends de ton cocotier. Elle avait fait une plainte aux droits de la personne pour racisme. Puis pourtant, il avait dit ça de même. Puis, je le sais, elle, en plus, je sais qu'elle avait fait une crise. Puis, il s'était fait verger à coups de poing d'un gosse. Puis, elle ne l'écœurait pas. Mon père était spécial. Je sais pas, il était. Des fois, il était. Je ne sais pas comment il faisait. Mais bon, une fois, il avait ramassé un gars par le cou. on s'en va à la pharmacie, puis il y a un gars qui ne le lâchait pas, qui le confondait avec quelqu'un d'autre. Hey, t'es un tel, salut, hein? Puis le gars, il ne le lâchait pas, là. Mon père, il dit, regarde, ben ça. Il te le ramasse. Le gars, il s'est en dessous, là. Puis ça, le gars, il était pas, mais il l'a couché sur un route de char, puis on est parti. Puis le lendemain, le gars, il avait formulé une plainte contre un autre parce qu'il confondait avec quelqu'un d'autre. En tout cas, des preuves, j'en ai. Bon, ouais, moi, je suis pas de police, moi, là. J'ai failli dire au contraire. Au contraire. Je me sens plus comme. Bon. Le mot, ok, là, j'en ai manqué, là. Ah, des fois, il m'a fait honte. Des fois, il m'avait fait honte. C'est Eric qui était un petit peu. Bon. Il m'a enlevé, ok. En passant, ok, oui, ok, ça, je l'ai vu. Moi, c'est ok. Imaginez, oui. Je le pardonne, oui, ok. Le mot supramental n'a pas la bonne vibration. Ça sonne comme un fakir avec une grosse tête et des facultés spéciales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner de l'objectivité. Ouais, ben là, on peut prendre d'autres termes à un moment donné, comme ben, la psychologie évolutionnaire, c'était correct, l'objectivité, moi. Oh, ouais. Descends du cocotier. Désolé, c'est drôle, puis ça l'est pas en même temps, ben ouais. Là, le dessin de ton... Moi qui veux dormir. En tout cas, je soupçonne... Attends une minute, t'es pas sérieux, tout l'opus DI? Oh, ouais. Eux autres, ils ont de l'immobilier hein, dans ma région, eux autres. Les numéraires, les surnuméraires, ces patentes-là. J'ai remarqué que, ok, Joe, Blanc, tous les deux ne sont pas des acteurs qui travaillent pour des gogos. Ils se mettent trop à polariser dans leurs vidéos, c'est trop tordu. Ouais, ça se peut, ça. Mais là, moi, tu sais, je ne peux pas spéculer, là, ce ne serait pas correct. Dans le sens que, ben, moi, je pense pas. Peut-être l'autre, là. Les deux vidéos étaient vraiment excellentes, très respectueuses. Ben, j'ai fait mon possible. Puis, en plus, je n'étais pas choqué, j'ai pas d'arrêt, moi, contre. Oui, tu as raison, l'oiseau. Les deux vidéos sur Pierre Gagnon. Ok. Je sais pas. Non, je pense pas. Pas m'étonnerait. Elle est liée à Bouliane et Claude Lafleur. Je le connais pas. Je sais pas c'est qui. C'est drôle quand c'est Claude Lafleur. Le jeune homme tatoué, il est allié avec Guy. Oui, c'est vrai. Ah oui, bon. Oui, mais elle s'est fait berner par chacun. Je sais même pas c'est qui ce monde-là. Ah ouais, bon, je voulais une petite chicane, Blanchette, ok. Une personne que je connais a obtenu un poste très élevé chez Bell. J'ai eu peur de cette personne que l'Opus DI l'avait invité à venir avec eux. Évidemment, il l'a refusé. J'ai jamais eu, moi, des propositions de même. Doit être parce que j'ai pas assez d'argent. Claude Lafleur, quand il avait fait deux vidéos au total pour expliquer l'opposition contrôlée, Dick Dickerson, qui t'aime bien, pourrait aussi t'en parler. Ah oui? Ouais, mais là, je n'ai pas envie. Je ne veux pas devenir le... On ne commencera pas à monter des dossiers du monde. Là. Ben, moi, être bien frais avec vous autres, là, admettons qu'ils me revolent du stock. Qu'ils prennent mon image ou qu'ils prennent les affaires que j'ai faites. Puis là, on checkera. Là, on checkera ça. Mais je pense pas que. En tout cas. C'est peut-être arrangé. Peut-être. Claude Lafleur avait fait deux vidéos sur l'opposition contrôlée. Il était étiqueté comme influenceur. Le jeune homme est dans la semi-trentaine. À plusieurs tatous et tatoués dans le cou. Bon, déjà là, c'est sûr, je ne l'ai jamais écouté. Moi, ça m'arrête hein, quand je vois des affaires en même. Je doute pas de ce que tu dis. Au fond, Claude Lafleur, c'est vrai, Poulien. Voyons, c'est donc tordu. Il est rendu dans le bois, puis il est pas mal actif. Oh, ouais. Claude Lafleur, le poulet à bouillabaisse, il fait partie. Vous savez, là, on tombe dans des affaires, je suis pas au courant de ça, puis je regarde ça, je me dis, ben voyons donc. Faut pas non plus paranoïer, voir l'opposition contrôlée partout. Mais d'un autre côté, on sait que ça existe. Pour le rendu dans le bois, il est pas tant dans le bois. Beaucoup de drôles de moineaux ont émergé de la crise des gens à contre-courant qui ont d'abord attiré parce qu'il y avait un vide d'opposition équilibrée. Je me suis vite tanné d'eux autres. C'est drôle, moi, parce que quand j'ai, avant tout ça, puis quand j'ai fermé la chaîne, ma chaîne, je sentais, je dis, il va se passer des affaires, ça va y aller par là, puis je veux pas m'impliquer là-dedans. Je veux pas. Ben oui, c'est correct de dénoncer. Puis finalement, je suis revenu parce que j'étais trop choqué. J'étais trop choqué, fallait que je dise de quoi. Puis bon, finalement, des fois, je le regrette un petit peu. Peut-être naïf comme question, mais est-ce que des gens qui travaillent dans le Deep State au Québec pouvaient être en relation ou même travailler étroitement avec la CIA? Ben oui. Ben oui, qu'est-ce qui vous pensez qui mène le Canada, entre autres? Prenez. Philippe Couillard. Philippe Couillard, il a travaillé en Arabie Saoudite, puis il travaillait pas loin des bureaux de la CIA en Arabie Saoudite. Pour ça, moi, quand finalement il a perdu ses élections, puis il pleurait, il regardait sa femme, il disait, nous allons maintenant pouvoir penser à nous. On tentait de dire, c'est rien que ça que tu as fait toute ta vie, ce petit gros calme. Pense à toi, là, tabarnak. Ma gang de comiques. Agence de renseignement parle à Anna Lorando. Il y a eu beaucoup de budget pour l'opposition contrôler les acteurs de crise du Québec. Il va toujours en pousser d'autres. Ouais, mais c'est un laboratoire, un site. Puis, en tout cas. Ouais, je le sais qu'il est par ici, Jonathan. Ouais. Mon oncle Pilon, la madame qui shake Blanchette, la fille qui veut être vue. Ouais. En plus, Alain Laurendeau a un véhicule de police. C'est vraiment bizarre. Ouais, genre Impala, là. Bon, c'est des bons chars. C'est des bons chars. Oui, c'est peut-être juste pour le paraître, car il avait mis des vidéos de la construction de sa cabane. En tout cas, ça fait longtemps qu'il fait plus de vidéos, puis c'est bien, ok. Oui, je le sais. Ben, des vacances. Il est venu ici, il était venu ici, il voulait pour l'Union nationale. Il se présentait pour l'Union nationale. Finalement, il a fini par dire, ben là, voter stratégique, voter PQ, je pense. Bonsoir, un live tardif. Oui, j'étais avec d'arrêter, là. Va falloir que je me couche. Union socialiste. Non, il est chef du... c'est l'Union nationale. L'ancien parti de Maurice Duplessis. Bon, c'est plus ce que c'était. J'ai entendu BDN dire dans un de ses audios que si un gouvernement mondial serait créé, ça serait un échec au niveau de l'évolution. Ah oui. Ben moi, je l'ai entendu en parler qu'il allait y avoir un gouvernement mondial, puis c'était dans les années 80. Dans quel coin de l'Abitibi, le fun, je ne sais pas. Claude Lafleur, le jeune homme tatoué, ne fait plus de vidéos. Ah. Reste tel que tu es, on a confiance en toi, car on le sent que tu es honnête. Dans ceux qui publient du contenu, on peut dire sans prétention qu'on est deux, mais les autres louches. Ben, je fais mon gros possible, puis des fois, je me dis, coudonc, je vais-tu. Des fois, je me dis, c'est comme mon père, il me disait souvent, il dit, tu vas te faire tuer, tu vas finir par te faire tuer. Même ma mère m'a déjà dit ça. Ouais. Tu veux dire que Laurando trempe avec le pouvoir. Tout le monde est louche. Ouais, mais en même temps, ben c'est là, des fois, je me rends compte, je suis un petit peu naïf, peut-être. Ben, je suis porté à quand même faire confiance au monde. Puis, bon. Timmy, bonsoir à toi, la belle. On est dans l'opposition contrôlée, ne l'avouera jamais, mais elle est très louche. Laurent Doux, il fait peur aux gens dans ses vidéos. C'est drôle, c'est tout du monde que je connais pas. Tout du monde que je connais pas. Savez-vous ce que je regarde le plus sur YouTube? Parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est des hosties comme les films dans le cabanon, là, puis des affaires de même. Puis bon. Carrier ou son bras droit, il fait équipe avec Laurent Dau. Carrier, c'est un ancien artiste. C'est drôle, ça me dit rien. En tout cas, moi, il va falloir que j'y aille, là. Mais c'est spécial, pareil. Oiseau manqueur. Je sais que mon ex, elle jase avec toi. Ben, mon ex. Bon, je fréquente encore. Souvent, encore souvent. Puis, des fois, je pense à aller te voir. À aller dans le centre du Québec. Quand Kim parle du supramental, il disait qu'il faut que l'énergie astrale soit très dense pour que l'énergie supramentale puisse être plus accessible sur Terre. Ah oui, puisse être plus accessible. L'énergie astrale soit très dense. Ouais, peut-être que oui, à force de le subir, peut-être. J'avoue, je ne suis pas grand monde, mais je suis tombé sur un de ses lives et j'ai remarqué qu'effectivement, il entretient la peur. Au moins, tu connais David Lev, ben oui. Ça fait drôle d'entendre ça. D'entendre quoi? Oh, excuse-moi. Ben bon, ben, ce serait pas de mauvaise idée d'aller visiter Sam. Pourquoi n'y a pas de suite. Exactement, tu es très alerte, je trouve. En passant, tu es super belle femme sur ta photo de profil YouTube. Oui, il y a beaucoup de. Ouais, bon, il y en a tout le temps partout, des belles dames. Oui, elle me parle parfois, tu es bienvenue sur YouTube. Les vidéos depuis sur de la tôle sont plus enrichissantes que sur le. Oh. Laurent Dau, c'est-tu le gars qui est revenu d'entre les morts à cause qui s'est électrocuté en faisant des rénaux? Ah, ben, mon frère, lui, il a eu une expérience de mort imminente, une électrocution. Il était dans un garage, puis vous savez, les lampes qu'on accroche quand vous descendez dans la fosse, vous accrochez une des lampes, puis tout, puis il y avait de l'eau, puis il y avait un petit, puis les doigts, ils ont collé dessus, puis bon. C'est un bonhomme que je connais qui l'a sauvé. Le ton, mais il dénonce beaucoup, mais il devient hystérique. Le rando, il aurait été brûlé par un truc d'Hydro-Québec dans les années début 2000. Oh, oui. Il avait passé à Claire-la-Marche. Oh, wow. Super, ça doit être de l'anthologie. Oui, il serait fait électrocuter le rando, son corps est brûlé à 90%. Voilà. OK, comment il fait pour fonctionner? J'ai le cœur hystérique, c'est là. Bon, moi, sérieux. Laurent Dau aurait passé à Claire-la-Marche pour vrai. OK. Est-ce que son expérience de mort imminente l'a changé? Parlez de mon frère. Ben, il a vu. Il n'y a pas vraiment eu de. Comme ceux qui vont. Bon, comme ils sortent de leur corps. Puis tout, lui, ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu toute sa vie défiler devant lui. Puis, c'est mon beau-père du temps qui a déplugué ça, puis qui l'a sauvé. Puis c'est spécial, hein, parce que pas longtemps après, mon beau-père est mort d'un accident de char, puis mon frère, il a survécu. Oui, Laurent Dau est souvent colérique et hystérique. Je pense que c'est un pion qui travaille pour les gogos, opposition contrôlée, presque convaincu, Laurent Dau. Vous savez, ça devient tannant, parce qu'on se dit que Claire-la-Marche, ça doit être l'opposition. Ben là, puis elle était à retraite, ça doit être l'opposition contrôlée, ça. Quand elle a tombé, là, au départ des chefs, c'était stagé, ça. Claire Lamarche, on ressort du vieux stock des boulettes. Oui, j'appelle plus ça du vieux stock. Mon père l'appelait Claire l'escalier. C'était pas bien drôle. Ça peut, il appelait le cardinal Léger, le cardinal pesant. Puis bon, ça peut donner le goût au monde de jouer avec les breakers pour évoluer. Oui, je vous déconseille. Hein. En tout cas. Non, mais sans joke, là. c'est quoi le phénomène du film de sa vie juste avant de transiter? Ça, c'est l'âme. C'est un peu comme un disque dur en l'âme, puis c'est un peu comme une mise à jour. Un ami à moi m'a raconté quelque chose d'extraordinaire, mais pour l'Aube contrôle au Québec, ça donne le vertige, moi. Le Québec, là, ça a tout été. C'est un affaire de fou. Vraiment, le Québec, l'histoire du Québec, on est là, puis le monde, il regarde des films sur des affaires d'espionnage, la CIA, puis des affaires d'Altel, MI6, anglais, des affaires de même. Puis juste au Québec, on a des affaires, c'est encore plus fou. En tout cas, ça va passer par l'humour. Mais sans joke, Sam, moi, j'aimerais ça aller le voir. Bon, puis tant qu'à faire, je ne bougerai pas tout seul. Fait que, bon, si la dame concernée est partante, on va y aller. Mais là, c'est juste, il faut que ça tombe dans un temps de l'année que ça nous adonne les deux. Puis bon. Roson, très important, très, très important. Je comprends donc, ils sont pas capables de le condamner. C'est assez spécial, là. Pas capable. Pas capable. Ils sont pas capables de le condamner. Il a pas su de non, c'est... Ah oh, oui, il s'en sort tout le temps, puis bon. OK. Moi, je trouve ça spécial. Puis finalement, bon. Les gens, en général, s'intéressent plus à la fiction qu'à la réalité. C'est notre gros problème. Puis la réalité dépasse la fiction. Connaissez-vous André Pitt du studio? Ben, je sais c'est qui. Mais j'ai commencé à le trouver... Là, il fait ses affaires de réinformation. 5 piastres chaque. Penses-tu vraiment que je vais payer 100$ par mois pour l'écouter? Non. Non. Surtout quand c'est juste du jasage, là, on dirait des cancagnards, lui, puis là, je dis non. Non. Non, non. Roson est aux premières, là. Genre, ouais. Je ne l'ai jamais aimé, lui. Je n'aime pas la face. Roson sans secrète. Parce que Roson, c'est lui qui crée ses victimes pour effacer les vraies victimes. Ah, oh, ouais. Comme des contre-feux, là. C'est rendu que ça coûte 100$ presque par mois pour l'écouter. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. C'est 5$ chaque, il fait ça 5 fois par semaine. Ben, 4 semaines, bon. Où vivait Epstein en France, et Roson? Ouais, Epstein, lui, c'était... Il y avait un hôtel particulier, hein, dans un arrondissement. Pour moi, ouais, ça doit se connaître, ce monde-là. Ça doit tout se connaître. Le monde est petit. Puis plus c'est pourri, plus c'est petit. Bonsoir, contente de voir le direct. Ben, bonsoir. Ben, je dois devoir laisser. Mais non, là, mais si, mais sans joke, là, la dame concernée, que j'ai dit ça de même, là, j'osais pas. Mais si ça y tente, bon, moi, je serais prêt à aller dans le centre du Québec. Mais ben, c'était assez. Bon, en plus, ça a l'air le fun, ça a l'air beau. En tout cas, copain comme cochon, ben oui. Dans le fond, là, c'est un petit peu comme les milieux interlopes, c'est de même. Dans le sens que, tu sais, bon. Avez-vous vu la fille de Curso? Tout le monde en parle. Moi, j'ai un quatrième scénario que peut-être la police n'y a pas parlé par rapport aux raisons pourquoi sa maison a été brûlée. Mais elle ne serait pas contente que je dise ce que j'en pense de qui a fait ça. Hein. la vibe est bonne, moi. Mais bon, ça dépend. Moi, je suis willing, j'ai du temps. Ces temps-ci, ah, peut-être pas ces temps-ci, par exemple. Là. Parce que, bon, il faut que j'arrange les choses ici, là, parce que c'est moi qui fais les repas. D'autres petites affaires, il faut que je m'arrange avec une amie de la famille. Justement, parle-moi de Curso. Ouais, Curso, j'ignore totalement c'est quoi cette histoire. Ben, Tony à Curso, c'est un entrepreneur qui avait une compagnie de construction, entre autres. Puis il y avait de la. Dans le fond, quand il y a eu une commission d'enquête sur la corruption dans la construction, puis ils s'en sont débarrassés, comme. Puis c'était pas fair, hein. Un chum, c'était un chum, puis non, ils s'en sont... Mais là, Astor est 270 millions, je pense. Les maisons peuvent bien passer au feu, là. En tout cas, beaucoup de personnes sont venues à cette époque précise. C'est mélangeant, on doit rester centré. Mafioso, bon, on peut voir ça de même. On peut voir ça de même. Il y avait l'histoire avec Ken. Ben, il était, lui, en commission, la commission Charbonneau. Puis, il était au courant, lui, de ces affaires-là. Mais c'est une des raisons pourquoi je le trouve un petit peu louche, Pereira. C'est comme il parle souvent de Julian Assange, il parle jamais de l'enfance d'Assange. Il aime ça lui parler des affaires de complot, puis de théoricien du complot. Puis il parle jamais qu'Assange, Assange qui a eu des expériences faites sur lui avec du LSD, qu'il a été kidnappé par une secte. Une affaire de fou, là, c'était lié aux services sociaux en Australie. Il n'en a jamais parlé. C'est pas intéressant. Puis, ouais. Oh, ouais. C'est drôle, hein, dans certaines années, ils se sont mis à faire des expériences, ils droguaient des enfants, ils leur donnaient du LSD, ça finissait plus. Puis tout, pour aujourd'hui, ils veulent médicaliser. Tous les enfants sont. Il y en a une partie qui s'est médicamentée. Bon, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Là. Puis lui, bon, il parle jamais de ça. Hannah Hamilton Bourne. Birne, là. Qui s'écrit avec un Y. Il n'y a personne qui parle d'elle. Puis l'autre, comment il s'appelait, le médecin, là, le psychiatre là, qui chapeautait ces expériences-là. Ça ressemble en crème à des affaires de la CIA, puis ça fait genre MKUltra. Ça ressemble à les sleeping rooms qu'il y avait à Montréal dans les sous-sols de l'Université McGill, puis l'hôpital Royal Victoria. Ce qui est arrivé dans l'enfance de Julian Assange en Australie, ça ressemble à ça. Puis Pereira, il n'en parle pas de ça. Jamais. Mais ce qui est plus intéressant par rapport à Assange. En tout cas. Donc, l'oiseau moqueur, ça sert à rien de paniquer. Il faut que je me retrouve du travail, je suis au bord de la faillite personnelle. Moi, attends, mais je refuse de paniquer. Ben non, faut pas. Mais tu t'as l'air d'un bon travailleur, tu devrais te placer facile. Je viens de me faire embaucher un entretien dans les écoles. J'arrivais du système de santé. Ah oui, ça risque de se ressembler peut-être dans le futur, le système d'éducation et le système de santé. Je vais m'en sortir, j'en doute pas. Bon, c'est au moins si le moral est là. En passant, j'ai vu une annonce qui cherche des pilotes d'avion pour faire des chemtrails. Ce que je trouve rigolo dans la description, c'était aide à contrôler le temps. Oh. Ça, je suis écœuré que la personne parle. Mon père, il avait été militaire, puis il savait tout ça. Quand j'étais petit, il m'en parlait. En tout cas, sans indiscrétion, l'oiseau moqueur, tu sais dans quel domaine? J'ai toujours été paysagiste, je crois. Ouais, ben, c'est des les métiers, des vrais métiers, conducteur de machinerie. En tout cas, dans mon coin, tu ne manquerais pas d'ouvrage. Il en cherche. Il y en a une. Il y en a un monsieur, je connais, lui. Il m'avait offert. Lui, je pense qu'il mesure les bio. Assange qui danse, hostie, tout est là. Grosse vibration creepy, juste envie de m'éloigner d'une vibration de même. Je n'ai jamais vu danser, lui. J'ai vu Anglade danser, c'est bien assez, puis Haroud. Comment tu peux voter QS quand il y a des chemtrails depuis qu'on est jeune? Ouais. Quand c'est pas super pour ce temps de l'année. Ouais, c'est pas beau. Ben moi, je trouve qu'il fait chaud. Ici aussi, Sam, tu aurais de la job. J'ai juste de la difficulté à quitter ma région. Bon, ça, je comprends. Ça, là. Dans le fond, là. Ouais, ça, je comprends. À un moment donné. Je m'emmagasinais un petit appart, je checkais ça pour me prendre un petit appart, ça fait longtemps de ça, ça fait une dizaine d'années, dans la petite Italie, à Montréal. Puis finalement, quand ça a été le temps que j'avais pu ça à quelqu'un, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. J'ai regardé les épinettes noires, j'ai regardé autour, puis je me suis dit non. Ah non. En tout cas, donc vraiment nécessaire. Hey, tu sais, j'ai de la famille qui a longtemps vécu proche de Sorel, petit village de rien qui s'appelle Saint-Ours. J'ai sûrement vu ça. T'es assis dans la maison, là, puis c'est des petites rues pour des calèches, puis tu vois le voisin dans sa cuisine en train de manger sa soupe, tu vois quasiment dans son assiette. Je suis parti aussi de ma région à 17 ans. Je suis revenu. Ouais, c'est comme moi, je suis dans une ville que les gens, ils reviennent. Ah oui, ben c'est sûr que tu dois connaître ça, Saint-Ours. C'est un beau petit village. Puis, je me rappelle quand, dans le temps, quand j'étais petit, il y a tellement de personnes âgées à Saint-Ours que je disais à mon père, j'ai dit, moi, faire un vol à main armée d'une banque, là, je vais à la Caisse populaire de Saint-Ours. Ça peut avoir du bon de sortir de sa zone de confort. Moi, l'autre bord du fleuve, sur la rive nord, ces temps-ci, fait bon d'être là où notre cœur est ancré. Moi, c'est comme. Mais par exemple, c'est comme le petit village de Saint-Ours, c'est tellement petit, puis c'est tellement vieux. C'est tout colonial français, c'est toutes les maisons. Ma grand-mère maternelle, elle avait une belle maison là, une belle maison coloniale française qui avait pas loin de 300 ans. Puis il y a un cave dans la famille qui l'a acheté. Puis moi, j'avais dit pas à vendre. Tu sais, c'était une belle maison là, avec tous les ornements en bois, la galerie, c'était vraiment beau. Il a tout décrit ce ça. Il a fait arracher la galerie de bois, il a mis une patente en fiberglass, il a divisé ça en appart, puis il l'a scrappé. Il l'a scrappé. Ça aurait dû être déclaré patrimoine, patrimonial. Puis moi, ça m'a fait de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine qu'il fasse ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? En plus, il l'a eu pour pas cher. Ben oui, c'est dommage. C'est parce que lui, il était en couple avec une de mes tantes. Puis il a profité de ça pour faire une. Ils ont fait une. Ils l'ont acheté pour quasiment rien, la maison. Puis lui, il a revendu ça à un prix de fou. Hey, lui, à un moment donné, j'étais bien chaud, puis je t'avais pété une nasty de coche. Vous autres, les proues, là, ils étaient là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes une gang de sti de là, je sais pas. Les crises de proue. Et je lève. Mais il reste que, bon, avec le recul, bon. J'en veux pas, là. En tout cas, un petit chalet sur le bord du lac, plus autosuffisant dans le trou de cul du Yable. The best, mais il faut une petite job pour perfectionner tout ça, ben oui. Westmarket Pro, ouais, mais une de mes tantes avait marié des pros d'ici, là, qui ont des compagnies à numéro. Ils ont toutes la même face. Ils ont toutes le style de même face. Ils me font penser un petit peu à le ministre Boulay, là. Le style qui est lit. Mais lui, Boulay, il vient d'une famille de cordonniers. Il vient d'une famille de cordonniers parce que moi, j'aimais bien des souliers genre Oxford en cuir de porc, puis eux autres, ils en faisaient des bons. Ils ont arrêté de les faire, puis ils sont mis à faire des bottes de cowboy. C'est une famille de Saint-Tite, hein? Avec eux, ils font bon. Comment on peut passer de villages patrimoniaux à des développements rectilignes de maisons toutes pareilles et tout aussi laides? C'est quoi cette dévolution? Ben, c'est ça. C'est des affaires de proue. Les proues sont parmi nous. Un sou pour un prou, c'est beaucoup. Slogan connu dans le coin. Ah ouais. Ouais, des fois, c'était seulement c'est sûr, son parent, là. Mais l'autre, là, Gilles Prou, là. Quand j'étais enfant, moi, je l'aimais bien, Gilles Prou. J'aimais ça l'écouter, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fini par allumer. Je dis, voyons, Christ, c'est un show. En tout cas, Boulay. Ouais, c'est cette famille-là. Jean Boulay, le ministre de je sais plus quoi, là. C'est cette famille-là. Moi, je suis près de Trois-Rivières. Ah oui. C'est des beaux coins. Ça Saint-Tite près du Western, tout ça. J'arrive tard, ben oui, puis je m'en vais. Les maisons qu'ils construisent aujourd'hui sont toutes gris et noir, pas très jojo, moi. Ouais. Ah, Fergus, en plus, c'est Fergus qui vient d'arriver, ben oui. Puis là, j'achève, va falloir que je me couche. Il est tard un peu, je me suis levé, bonne heure. J'ai le pot quand il parlait des BS, pas juste ça, Christ, tout le monde. Les jeunes, les. À un moment donné, quand il avait son émission à TQS, puis il était allé au centre Pepsi, le salon jeunesse, puis il faisait que vomir, puis vomir sur les jeunes. C'était. Il était allé à l'école secondaire, cavalier de la salle, puis demandait aux jeunes: c'est qui le cavalier de la salle, petit ignorant? Puis. Les nerfs, c'est-tu. C'est-tu Bécomo, c'est certain que tu connais ma tante. Pas moyen d'aller quelque part sans qu'elle connaisse quelqu'un. Pro pour l'histoire, mais pas pour la nouvelle politique, moi, puis même Loulou. Pour vrai, pro, parler de tout le monde. Ah oui, il chie tout le monde. J'ai vu dans les commentaires, M. Blanchet, il n'avait vraiment aucun espace, il était cerné de toutes parts et de tous côtés. Mentalement, il est très rigide. J'appelle plus ça rigide. Mais là, au moment donné, bon, ça tombe bien, j'étais un petit peu malléable. Mais là, maintenant, le ton devient déplaisant. Aucune ouverture, ben là, c'est pas grave. J'ai connu Pau en 98, me semble. Ah oui. Il est-tu encore avec la chanteuse, là, la jeune? En tout cas, non, à cette heure que tu m'as réveillé avec l'histoire de ton père. Ah oui. Ah. Ouais. Il était bien spécial. Sourire carnassier que Luc Lavoie. Pou, elle a le même sourire carnassier que Luc Lavoie, des yeux frustrés. Ah oui, bon. Luc Lavoie, je me rappelle même pas l'avoir vu bébé sourire. Salut l'oiseau, mais oui, c'est vrai, il sourit. Bonsoir, salut Marie-Jeanne, Christ, Pierre et un gourou qui travaille en tête. Oui. Ben, ça, c'est que ben, je dis oui parce que tu avais écrit ça avant. Pour pas, je le confirme. Ça fait un bout que je me questionne, tu sais, ouais. Ce qui m'a beaucoup fasciné était Denis Lévesque dans le temps qu'il était platonique et avec temps devenu plus sensationnel. Paul Larocque, même affaire maintenant. Hey, Paul Larocque, Paul Larocque. Vous rappelez-vous, la vie rêvée de Jérémie? La vie rêvée de Jérémie, Paul avec Paul Larocque. C'est lui qu'il fallait poursuivre. Poursuivre Paul Larocque. Hey, la vie rêvée de Jérémie. Car, qu'est-ce que ça faisait dur, ça? C'était épouvantable. C'était épouvantable. Moi, je me rappelle dans le temps, je regardais ça, puis moi, je l'appelais le petit bonhomme en cire. Puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Ils sont en train de scraper sa vie. Puis il n'y a personne qui s'en rend compte. En tout cas, de toute façon, bon. Je pense que certaines personnes, dont toi, commencent à déranger. Ouais, un bout de temps. Niveau mental, trop de lucidité, de vision, peut-être. Mais là, même là, je peux pas. C'est sûr, ça dérange. Mais là, je fais mon possible pour être discret, pourtant, je sais que de bon. Je pouvais vous croire qu'avant la pandémie, j'écoutais les émissions du matin avec Paul Arcaillac. Bon, moi, tout, je l'ai déjà écouté à la radio dans le temps. Mais bon. C'est le frère, ça, de député Arcan. Puis regardez comment il parlait contre les compagnies pharmaceutiques quand c'était le temps de faire son documentaire Québec Inc. Puis après, pendant tout le temps, les 2 ans que ça a duré, pas un mot. OK. Hein? Pour être précis maintenant, Victoria, Paul Larocque, il venait tout le temps manger au resto portugais où j'ai travaillé quand j'avais 20 ans. Puis mon boss, il liche le cul. Il typait même pas, ben souvent de même. Comme l'émission GE, complètement inutile aujourd'hui, elle s'est rendue mauvaise. Mais là, c'est Félix Séguin. S5. Ben moi, j'aimais ça dans le temps de Giroir. C'était pas pire, là, quand il forçait les portes avec les caméras. Pis. Paul Larocque est la quintessence de la platitude. Bon, il y a pire. Moi, je trouve Bertha de low profile, ben, je sais. Je me demande à quoi ressemble la formation des journalistes au Québec. Je me demande les profs derrière tout ça. Enseigne quoi au niveau du noyau de la profession? Ben moi, le journaliste, je vois ça comme c'est des techniques de marketing, puis on nous vend de la nouvelle. On nous vend l'événement. C'est de l'information spectacle. Puis à cette heure, regardez là, la journaliste à TVA là, qui disait qu'il y avait un manifestant qui avait envoyé un bicycle dans les jambes du cheval, puis qu'elle a été accusée. Dans le fond, c'est une dame Mohawk qui était piétinée par des chevaux. Ils ne font jamais d'erratum. Il n'y a plus d'erratum. Ça n'existe plus, les erratums. C'est fini. Ils ont tous un pointeur laser rouge en permanence sur eux. Ouais. Oui, je m'en souviens de Gaétan Giroir. C'est-tu pendu ou c'était une menterie? Moi, je pense que c'est pendu. Ben, ils l'ont peut-être pendu. Je suppose. En tout cas, il était pendu. Il y a une intersection dans ma ville, ils ont peinturé les couleurs de la fierté homo. Aïe, aïe, aïe. C'est. Ouais. Bon, ben, écoutons. L'affaire, là, c'est parce que c'est rendu. Notre monde est rendu comme une machine à sous. C'est les couleurs qui flashent, puis là, rien que. Puis plus qu'ils mettent de la couleur partout, plus je trouve ça terne. Plus la vie est terne, plus ils nous mettent de la couleur. Oui, je le crois aussi. Les oiseaux, ils ne sont pas fondamentalement méchants, en tout cas, j'espère. Ben, du monde fondamentalement méchant, il y en a, mais c'est assez rare, là. Bon, il y en a. Ils ne font plus tant qu'être en journaliste que de la communication, c'est ça. Puis ça agit, eux, aux journalistes d'enquête. En tout cas, oui, le suicide qui était en dépression majeure, moins. La mort de Giroir, j'ai toujours pensé que, vu que c'était un journaliste honnête, il travaillait pour TVA, il était à la radio, Giroir s'est fait pendre par une gang de bikers. Ça se peut, ça. Il y avait eu des menaces de mort par des motards. Fait que c'est spécial. C'est spécial, mais là, on ne peut pas être sûr. Le journaliste n'a pas besoin d'être dirigé, il se dirige naturellement avec la direction du vent dominant. Il tient son statut, il sait. Là, il ne faut pas aller loin, il y a ça. Ouais. Ouais. Les vraies directives sont entre les lignes, hein, puis bon. Oui, les motards l'avaient menacé. Oh, je m'en rappelle. TVA aurait dû mieux le protéger. Ouais. Tes dessins très précis, les mesures. Ouais, ben, c'est l'habitude. Puis j'ai déjà fait des espèces de dessins industriels. Mais là, j'ai plus ma table à dessin. Bon. J'en ai parlé l'autre jour des artistes et j'ai l'air d'exagérer, mais en vrai, je minimise beaucoup. Oh, moi, je sais que j'en ai choqué plusieurs là, par rapport à ça, parce que des fois, je chiale. Et bon. Ben franchement, moi je pense qu'on nous impose des artistes. Puis que c'est pas le public. En tout cas, mais ça fait longtemps que c'est le même. Dans deux de TVA sont morts dans un hélicoptère, mais c'est les deux gars et Jean Lapierre. Bon, c'est pas la même affaire, là. Marie-Soleil Touga, c'est dans un avion. Un petit avion. Puis l'autre, là, Jean Lapierre, c'était pas un hélicoptère, lui, non plus. Mais je sais plus. En tout cas, oui, les artistes sont imposés. Ben oui. Ben là, en tout cas, c'est local, pareil, mais ça suit des directives. J'aurais jamais cru dire ça, mais je dois aller me coucher avant toi, bonne nuit. Bon, ben, bonne nuit à vous. Je vais, moi, peut-être, mais je vais y aller aussi. Mais Antoinette, il était entouré par son employeur et ses collègues. Non. Moi, je suis pas au courant de. Bon. Les Lapierre, ça, c'est les îles de la Madeleine. Faudrait lui demander ce qu'il en pense. C'est un petit peu délicat. Oui, au Québec, c'est tellement vrai. Les artistes, surtout les chanteurs, c'est pas fort. Ils sont où, les motards, aujourd'hui? Ouais. Mais comment ça se fait? Réponse caméra partout. Micro partout, c'est gratuit pour tous les artistes. Epstein, c'est le moins. C'est très cher d'exposer pour un artiste. Moi, j'ai trempé dans le nightlife pendant assez longtemps où les voix, on les voit tous, c'était déjà écouté il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, ça doit être mille fois plus loin. Malgré que, bon, à toutes les époques, hein, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Prenez Philippe d'Orléans, là, le temps qu'il était prince régent en France. Là. Oh, le curé du bois, là, puis les machins partout. C'est spécial, j'ai regardé, il y avait son chien qui passait dans la vidéo, toi, ton chien. Ah oui, je me suis dit, bon, on pense que le démon familier donné par certaines personnes, je suis là. En France, c'est pareil, il est youtubeur. Pote avec Macron, c'est à gerber. De pire en pire, les artistes, on est rendus dans le fond du baril. Blanchette n'est pas clean, moi. Ben, lourd. Moi, je suis sans preuve. Bon. Comme je vous dis, moi, je suis pour ça, là. Possible d'être un artiste sans que la porte-parole d'identité. Wow. Les motards sont devenus députés, juges, avocats, entrepreneurs et ainsi de suite. Hey, je me rappelle d'une petite ville que je nommerai pas. Le gars, il y avait tout dans la ville. Il y avait le club vidéo, il y avait la patate, il y avait l'andromate, la laverie, il y avait tout. Puis tout portait son nom. Puis la première fois que je l'ai vu, le monsieur, j'ai bien vu que c'était un motard. Ça paraissait. Janine Souto était une bonne madame. Moi, ouais, je l'aime bien, moi, Janine Souto. Elle est française, elle, d'origine. Puis Janine Souto, c'était même une belle femme, je veux dire, jeune, là. Puis quelque chose de charismatique, dans le sens magnétique. Quelque chose de magnétique. Puis Janine Souto... Bon, elle doit être sur le party, elle aussi, là. En tout cas, je ne la crois pas, en tout cas, pas un artiste populaire. Je ne le crois pas, en tout cas. Ouais. Chris, relax, mec, il n'y a aucune autorité à mes yeux. Je ne connais rien dans le courant religieux. C'est une des seules qui était droite et honnête. Ouais, mais même, là, bon, c'est difficile de connaître quelqu'un totalement, là. Mais il reste dans ces vieilles actrices-là. Là, prends Huguette Olinier. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Ou Manda Parent, puis Juliette Huot, puis tout ce monde-là. Ben, Juliette Huot est spéciale. C'est un cas spécial. Hein? On serait peut-être bien surpris de savoir tout de sa vie privée. Mais moi, je la trouvais bonne. Vraiment, là, elle me faisait penser au petit bonhomme Pittsburgh. Juliette, ce qui doit être le plus dégoûtant d'être artiste, c'est les rapports avec la clique pour maintenir qu'on pense à toi. L'échange de déguisé en nonchalance. En fait, bah oui. Bah, c'est pour ça que c'est insupportable d'écouter tout le monde en parle. Oui, sauf de Saint-Forêt. Mes références sont des maquilleuses. Ah oh, oui. Ma mère, elle pose souvent. Le monde elle dit souvent qu'elle ressemble à Janine Souto. C'est une petite madame, tout petite. Ben, quelque chose de. C'est difficile à décrire. Vraiment, là. C'est difficile à décrire. Le monde se met à son service automatiquement. Je veux dire, tout le monde est comme. Oh, madame. Spécial. C'est spécial. Voilà, moi-même, pas mal aux ordres. En tout cas, effectivement, je déteste l'hypocrisie et ce qui n'est pas authentique. Et mon oncle était photographe au Journal de Montréal. Hey, dans le temps, comme dans le temps qu'il y avait des vraies photos, là. Les photos de Pablo Violi dans son spaghette, là. En tout cas. Mais moi, les gens, des fois, pensent que ma vieille mère, c'est ma conjointe. Hey, moi, c'est le contraire. J'ai souvent passé dans ma vie pour le fils de ma conjointe. Ouais. Une fois, il y a un petit restaurant dans Hansik où j'allais déjeuner avec ma conjointe du temps. Ça s'appelle Georgina. Puis la première fois que j'étais allé là avec elle, le propriétaire du petit restaurant, il a regardé ma conjointe et dit « Ah, vous avez amené votre fils? » Du non, c'est mon copain. Puis ça m'est réarrivé par après. Mais bon, j'ai l'air plus jeune un peu que mon âge. On est très peu de gens authentiques, moi. Ah, oui, Joe. Bon, elle s'exprimait bien, Madame Sto, ainsi que d'autres. C'était une autre école, une autre époque, oui. Oh, totalement autre chose. Marie-Carmen s'est fait tellement avoir par le Star System, elle leur a fait un pied de nez en allant chercher le bonheur au Pérou, en aidant les enfants orphelins. C'est drôle, ça. Je pense qu'elle était rendue en France une année. On n'entend plus bien parler d'elle. Elle mérite un dessert gratuit. Oh, je me souviens, quand j'étais jeune, la toune d'Aigle Noir, oh, je la trouvais plate. Ben, c'est une toune de Barbara, ça. Je les trouve toutes plates, ces tounes. Barbara, ben, franchement, là. Je la trouve plate. Ben, puis l'Aigle Noir, c'est pas sa meilleure, Marie-Carmen. Elle a été dans un groupe. Comment ça s'appelait, donc? En tout cas, c'était spécial, là. C'est vieux, hein, c'était... Oh, oui, c'était une reprise. C'est Barbara qui chantait ça, l'Aigle Noir. Puis moi, Barbara, je la trouve plate. Je trouve ça plate. Bon. Alors, il y en a qui riraient de moi, parce que moi, j'ai toute la discographie de Mireille. J'ai toute la discographie de Damia. J'ai des affaires bien plus vieilles, bien plus... Bon. En tout cas... Déprimant, là. Damia, c'est déprimant. J'ai jamais vu quelqu'un autant mettre dans ses tunes le mot cadavre, puis c'était tout le temps sombre, c'était tout le temps. Bon. Ben, moi, je l'ai tout le temps trouvé pas une Damia, dans le sens que cette façon de chanter comme un hurlement de souffrance, qui c'était vraiment comme de la tragédie en musique. Mais vraiment, au sens de la musique, bon, ce qu'on appelait la chanson réaliste. Puis Damia, oui, je trouve Barbara plate. C'est sûr, je trouve de toutes les ceux qui sont arrivés par après plate. Tu sais, bon, du coup, c'était la. Hey, ça va trop vite. C'était pour. C'est pour ça que mon cercle est restreint. Falardo était sans la mettre en évidence de tendance communiste. Ouais, ben moi, je l'ai tout le temps considéré de même. Falardo. Il s'est tellement à la droite. Puis c'était tellement exagéré, c'était tellement polarisé, l'image qu'il en avait. Bon, en tout cas, c'était la blonde de François Jean, des bébés. Ah oui, Marie-Carmen. Oui, moi, j'ai bien des doutes sur Falardo. Pas chaud pour. Mimi, ça fait déjà longtemps que j'ai fait le tri comme pour la poubelle. Ah, parler de l'entourage. Non, mais quand même, au minimum, Marie-Carmen paraissait bien à comparer à Roxane Bruno, Ariane Moffat, c'est la grosse. Moi, Ariane Moffat, moi, je l'appelais Fatmo. Puis, bon, je devrais pas dire ça en public. Mais bon, on dit, là, je ne trace plus rien, alors je ne suis pas une référence. Falardo qui a fait des symboles FM à Guilla Lepage, tout le monde, je l'avais exposé. Ah oh, oui? OK. Ah oh, oui? Oui, ben. Quand j'étais jeune, je trouvais sexy Sonia Benezra. Ben oui. Très, quelque chose de plantureux. Hein, ben, en tout cas, c'est une générosité. Côté espagnol. François Jean, oui, je m'en souviens, c'était le batteur des bébés. Ah oui, c'est lui qui avait. Il se promenait avec une canne. Puis il disait de ne pas prendre de drogue. Vous voyez que bon. Je suis trop jeune pour ce live-là. Ah oh, ben là, pas tant que ça. Moi, des fois, avec mon père, on parlait des fois des affaires des années 20, des débuts 1900. Il était cultivé. Je veux dire, j'ai plus jamais reparlé de tous les sujets que j'ai pu parler avec mon père. Il connaissait tout. Il avait une bonne culture générale. J'y sortais du monde des fois, c'était des acteurs de films muets. Puis il savait c'était qui. J'arrivais, c'était bien rare, je sorte de quoi, puis il savait pas. Puis, bon. En tout cas, les bébés, ça a parti de RBO. Oh, ouais. Pas. Aucune idée. Moi, je me rappelle que les bébés, quand je voyais des filles qui avaient des affaires, des bébés, je riais d'eux autres. J'étais pas tout le temps gentil. Hein. En tout cas. Ah oui, RBO. Manque de culture analysée au niveau show business québécois. Ben, moi aussi, là, les affaires que je connais le plus, c'est pas vraiment québécois, là. Mais bon, une base pareille. J'ai écouté pas mal tout. Hey, mon frère, il y a tout. À un moment donné, je disais, t'as-tu tel film? Il dit, oui, j'ai ça. Je disais, t'as-tu l'eau chaude, l'eau fraîche? Oui, je l'ai, c'est une cassette. Une cassette bêta. Je dis, t'as-tu telle affaire? T'as-tu... Oui, je l'ai. C'était incroyable. Quand il déménage, je viens des cassettes. J'ai tellement ça, beau dans le temps. J'ai fait, tu manques pas grand-chose, moi. Bibi et Geneviève. Geneviève. Ouais, ah, c'est que c'était fatigant, ça. C'était pas drôle. Ma soeur, elle écoutait ça, puis je riais d'elle. J'étais trop jeune quand les bébés viraient. J'avais 7-8 ans. Mais j'ai écouté un petit peu. C'était pas mauvais, mais c'est parce que t'as des boys bands pour vendre du cul aux petites filles d'une façon détournée, quelque part. En tout cas, Patrick Bourgeois était le gars derrière la musique de RBO. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a composé le thème. Leur, en tout cas, Bibi, Geneviève, c'était qui est au juste une marionnette, moi. Une petite marionnette avec les oreilles en trou de suce. Une affaire à lettres, là. Les bébés ont écrit certaines tunes pour Rouen. Patrick Bourgeois, il fait ses débuts avec RBO. J'essaie de catcher Bibi Geneviève. C'était quoi cette émission? C'était de la merde. Ben, c'était de la merde. C'était une émission pour enfants, mais c'était l'histoire d'une femme, une illustratrice par rapport qui vit dans un appart à Montréal, l'espèce d'artiste, puis là, elle rencontre un extraterrestre qui est une espèce de style bibitelette avec les oreilles en trou de suce, puis les cheveux tout étirés par en arrière vers libre. Là. Puis il était fatiguant. Quelle affaire fatigante. Des fois, comme les LGBT, j'ai appelé LGBT XY 1000Z, ben, c'était le nom de sa planète. Patrick Bourgeois, ami avec Guilla depuis le secondaire. Oh, ouais. C'est spécial de voir comment c'est. C'est souvent. C'est qui Bibi? Ben, c'était la bibitte là, qui venait d'une autre planète. Puis. Fallait qu'il lui venait pour étudier la Terre. En tout cas, les Fraggle Rock qui crissent une volée à Bibi Fantastique toujours en cours. On m'a suivi de ça. Les Fraggle Rock. Hey, il y avait. Ouais, t'avais une section, c'était des petites marionnettes dans les petits bonhommes, ils bâtissaient des affaires. Là, t'as d'autres marionnettes plus grosses, ils mangeaient les affaires. Puis là, t'avais un autre monde où c'était des marionnettes énormes. C'était spécial, c'était spécial. Bourgeois avait les cheveux longs, pareil, comme Alice Cooper, celui qui a fait la toune Poison. Moi, c'est un Français, hein, Alice Cooper, d'origine. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de la télé de Lilou Massé, je sais pas c'est qui. J'ai entendu dire que Guy veut refaire un gars, une fille, ils sont à la recherche d'argent. Ben, un canard, mettre de l'argent, c'est-tu? Il y a en masse d'argent pour mesure. François Pérusse, grand chum de Mario Dumont. Oh, ouais. Moi, Pérusse, depuis une dizaine d'années, là. Non. Non, non, non, non. Je suis plus capable. Plus capable. Je ne sais pas vous autres, mais il me semble qu'il y a de l'interférence dans les rapports humains en ce moment, comme si tout le monde comprend tout le travail. Oui, ça se peut. C'est peut-être moi qui est fatigué. T'as raison pour Bourgeois, hein? Galopage. Ah non, l'oiseau, pas Pérusse, je ne veux pas savoir, je l'aime. Ah. Patrick Bourgeois avait plus une chevelure à la Fabio qu'à Alice Cooper. Oh, Fabio. Fabio, c'est le mannequin italien, ça, qui s'y est servi de modèle pour les romans arlequins. Ouais, le summum du Quétaine. En tout cas. Mais c'est vrai que c'est plus bon comme avant. Ils sont multimillionnaires, ben oui. Pérusse a fait son temps, son type d'humour s'est usé. Ouais, ben bon. Surtout des jeux de mots, puis bon. Non, pas toi, mais en général, j'essaie de parler à des gens, je connais bien, mais il y a quelque chose qui bloque. Ah, eh ben. Bonjour, Franck. On va voir la vidéo de Poison d'Alice Cooper, tu vas voir, c'était la mode des cheveux longs jusqu'au fils. Oui, c'est vrai, la preuve, j'écoute juste les vieux sketchs. Bon, faut que je te parle absolument. Ah oui, ben, t'as envie de me coucher. On dirait bourgeois et Jean étaient des femmes. prenez. Ben, dans ce temps-là, il y avait le glam rock, là. Faire des femmes. Faire des femmes. Puis, quand c'était des femmes, des fois, il y avait les cheveux ben courts. Comme Pat Benatar, puis c'est comme le monde à l'envers. Marc Gabriel et les échalotes, c'était bon ça. Aucune idée de ça. C'est un peu à cause de moi l'histoire de monsieur. Ah oui! Ah! Ok, bon, on checkera ça demain, là. Mon père est musicien de rock progressif des années 70-80. Ok, bon. La TV de Lilou Massé, chaîne YouTube, je la connais pas. Les Respectables ont copié le groupe de Black Crow pathétique, le rock québécois. Oh, moi, je les aimais pas, les Respectables. Je me rappelle, je travaillais à une place, puis c'était le monde, il mettait à la radio. Puis là, souvent, c'était moi qui étais là la nuit. Puis c'était tout le temps eux autres, leur Christy tout vieille, je t'emmène, le soleil brillera pour nous deux. J'étais plus capable. J'étais plus capable, c'était rendu que je déploguais la radio. Bibi, quoi, animer une chaîne de lanceurs d'alerte avec Madame Kishik. Je sais pas. Ouais. Bon, ben, moi, il va falloir que je me couche. Avec un service en ligne tellement long et pas clair, des fois, j'ai pété ma coche. Ah, moi, ben, il y a de quoi, des fois. J'adore le rock, speed metal. Je suis plus capable d'écouter rien de. Avec le médium roteuse. Ah, ok. Pas de patience ces jours-ci. Moi, moi, on dirait que. En tout cas, on sent qu'il va se passer des choses, on dirait. Mimi, je sais pas. Lilou est assez nouvel âge spirituel. Elle interview plein de monde, souvent inspirant. Bon. Fais-toi, en pas. Ok. La musique, plus capable, moi non plus. Ça me résonne dans la tête, moi. Ah, ouais, qui fait partie du New Age. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire, mais là, je ne vais pas parler de ça, là, mais d'une certaine façon, c'est parce que ça ne se tient pas, là. Hein? Parce que là, quand tu dénonces de quoi que tu veux ramener en même temps que, bon, puis, bon, ce qui fait partie de ça, c'est l'obéissance en trop, puis pourtant, bon, bon, bon, bon. Maintenant, ça marche plus. Il était quand même populaire. Ils ont fait la première partie de Yes au forum dans le temps. Oh, oui. Dans les magasins, c'est insupportable la fréquence. De... Oh mon moto, je t'aime. Effacez pas le live. Bonjour, le garder. Le nom du groupe est Morse Code. Ah oui. Oh, il y en a pas mal. Bah. C'est sûrement meilleur, qu'est-ce qui se fait à cette heure? Connu Cowboy LD de gay. Il faisait du country. Oh, non, je connais pas. Chris Master, faudrait que je lui demande. Okay. La bande à mon oncle s'appelait The Vestal Virgin. Ok. On peut voir ça sur YouTube. Ah oui, ah. C'est. Bon, ben, moi, je vais aller me coucher. Ben, en fait, je vais aller fumer, manger un petit peu, puis me coucher. Ils ont fait plusieurs albums, quand même. Bibi interprète les grands succès de Mario Pelcha dans un recoin de l'astral. Je fais tout pour pas aboutir là. Moi, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Fergus. Bonsoir de France Nouvelle ici. 5 heures, ouais. Merci pas, ben, pas de quoi. Bonne nuit. Bon, ben, salut l'oiseau manqueur. Bonne nuit. Merci pour le live. Bye bye. Bonne nuit. Chanyan. T'es bien apprécié en ces temps. Ouais, ça veut dire que ça va peut-être pas, les temps. Bon, ben, bonne soirée à tous. Ouais, 23h14. Oh, il est tard.